Allez, c'est parti. S'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. La causerie va commencer. Bonjour à tous et à toutes d'être venus. Merci d'être venus parce qu'il y a beaucoup d'activités le samedi après-midi. Donc, c'est bien de vous être déplacés pour un sujet historique. Ça prouve que l'histoire vous intéresse. Donc, on a le plaisir de recevoir Anne Stenner, qui est déjà venue plusieurs fois parce qu'elle a écrit plusieurs bouquins, notamment sur les émeutes. Et donc, elle était venue nous présenter son livre sur les émeutes et sur les en dehors. Donc, tous ces anarchistes individualistes fin du 19e, début 20e. Et puis, ce livre-là, je vous le présente en deux secondes, Le temps des révoltes. Donc, c'est à partir de collections de cartes postales. Notamment celle d'Éric, je pense, Éric, pas seulement. Et la mienne, parce voilà. Que j'en ai constitué. Plusieurs collections de cartes postales, parce que à l'époque, les événements politiques, tout ça, il n'y avait pas la télé, donc souvent on éditait des cartes postales, et c'est vraiment très intéressant. Et ce bouquin, alors s'il y en a un qui est intéressé, il saute dessus, parce que c'est le dernier. C'est après, il n'est que sur Internet, très cher. Et donc Anne était, bon, elle est retraitée maintenant, mais elle était professeure depuis pas longtemps. Oui, depuis 7 ans. D'accord. Était professeure de sociologie et d'histoire ou les deux, je sais. J'étais professeure de sociologie, mais j'avais une formation double histoire socio. Enfin, j'ai soutenu ma thèse en sociopolitique, mais j'avais avant fait d'histoire. Voilà, donc c'est pour ça que tous ces livres sont quand même. Ouais, c'est à la fois de l'histoire et de la sociologie. Donc aujourd'hui, elle va nous parler. Après, j'ai oublié de dire qu'un de ses, bon, ses bouquins, presque tous, ont été publiés à un éditeur qui s'appelle L'Échappée, qui fait un très bon travail. Ce sont des beaux ouvrages et il y a un beau catalogue. Et puis un des premiers que tu as fait, c'était au tout début de L'Échappée, c'était sur la fraction armée rouge, parce que fait, tu t'es intéressé à la violence politique, tu n'étais pas en fait, fan club. Le sujet de ma thèse, ouais, ça avait été publié par Armand Collin en 1987, ça ne me rajeunit pas. Et en fait, après, ça avait des grands éditeurs, il pilonne, bon voilà, il n'avait jamais réédité. Et Cédric Biagini de L'Échappée, ben, ça a été un de ses premiers livres qu'il a réédité, m'avait contacté. En me demandant l'autorisation de rééditer ce livre, j'avais dit oui, je n'étais pas très emballée, parce que bon, j'ai dit oui, j'ai bien fait, parce qu'on a eu une bonne relation de confiance, et après, du coup, chaque fois que j'ai un projet en tête, je me souviens, et puis là, ça fait une collaboration, quoi. Enfin, j'ai enchaîné. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler d'un personnage haut en couleur, on peut dire, qui s'appelle. Eugène de Bonaventure dit Almereda. Tu nous expliqueras tout ça. Bon, il y a Vigo dedans parce que, bon, c'est lié pour rien. Mais après, son fils a été un cinéaste célèbre, tu nous en parleras aussi. Et puis voilà, j'ai oublié de dire un truc, c'est qu'on a à l'entrée, sur la table de l'entrée, on a installé une caisse de solidarité avec les anarchistes biélorusses et ukrainiens pour des projets. C'est pas pour acheter des armes, c'est plutôt pour acheter des masques ou des postes de radio, des choses comme ça. J'ai lu très vite, mais après, vous pourrez poser peut-être des questions à Thierry, qui a reçu la personne qui s'occupe de ça. Donc, on ramasse un peu des sous pendant une semaine, après on le rend. Et là, je te laisse la parole pour un sujet plus ancien. Donc, c'est pour que des Ukrainiens ou des Ukrainiens et des Russes Ukrainiens, Biélorusses et anarchistes. Ukrainiens et Biélorusses. Ouais. Pas les anarchistes anti-autoritaires. Anarchistes et anti-autoritaires. Oui, oui, oui. C'est l'anarchiste Black Cross de Dresde. Oui. C'est ça, c'est un relais sur Marseille. À toi la parole. Voilà, donc je vais vous parler de cet homme, Vigo di Almereda. Alors, parce que, entre autres, c'est une grande figure révolutionnaire de la Belle Époque qui est tombée un peu dans l'oubli. Et si j'ai commencé à travailler sur lui, c'est parce qu'à travers mes travaux antérieurs, je retombais toujours sur cette figure, sur ce jeune homme qui prenait la tête des mobilisations, qui avait un courage physique extrême, qui accumulait les peines de prison et qui avait eu une mort aussi, bon, j'en parlerai, assez troublante, qui avait d'ailleurs quelque chose de troublant dans sa personnalité, mais ça me plaisait beaucoup, c'est-à-dire un côté dandy qui a beaucoup été reproché, une certaine ambiguïté, mais l'ambiguïté, moi, j'aime plutôt. Et donc, voilà, j'ai commencé à travailler sur sa trajectoire, et c'est un travail long. Derrière, il y a 4 ans de recherche quand même pleine, c'est-à-dire d'abord dans les archives, les récits qui étaient publiés où il était mentionné, puis les archives et plein de fonds d'archives. Et j'ai eu au cours de mon travail la chance inouïe d'être mis en relation avec son arrière-petit-fils. Luce Vigo, sa petite-fille, venait de mourir et je n'avais pas pu la rencontrer parce que quand j'ai commencé à travailler, elle était très âgée, elle était sous respirateur et les rendez-vous étaient remis de jour en jour. Et du coup, je savais qu'elle avait quelques archives, mais en fait, ce n'est pas quelques archives, c'est une énorme malle qui a été préservée malgré les morts très précoces de Miguel à 34 ans, puis de Jean Vigo à 29 ans. Toutes ces archives familiales ont été quand même sauvegardées, ont atterri chez cet arrière-petit-fils qui a eu la grande générosité de les mettre à ma disposition, et mettant en même temps son appartement à ma disposition, parce qu'évidemment, je n'ai pas pu les emporter chez moi. Donc, j'ai pu travailler plusieurs semaines chez lui sur ses archives. Et après, il a eu aussi, je le dis, parce que c'est quand même remarquable, alors qu'il avait des propositions extrêmement alléchantes de plusieurs universités américaines, il a confié ce fonds à la Cinémathèque de France parce qu'il voulait que les archives de son grand-père Jean, de sa mère Luce et de son arrière-grand-père Miguel restent solidaires dans le même fonds, ce que la Cinémathèque a accepté. Voilà. Donc, si le personnage vous séduit, que vous voulez travailler sur lui un jour, il y a un fonds Almereda maintenant, la Cinémathèque, qui pourra être mis à disposition du public bientôt. Donc, je vais tout de suite commencer par le récit de sa vie. J'ai divisé en 3 parties, hein, en commençant par les années d'enfance, puis sa période antimilitariste et révolutionnaire, et enfin la période réformiste, la dernière période de sa courte vie. Donc, il est né en 1883 à Béziers. C'est un enfant illégitime, comme beaucoup d'enfants à l'époque, hein, parce qu'on ne le sait pas, mais plus de 25% des enfants qui naissaient en France dans ces années-là étaient illégitimes. Étaient souvent les enfants de très jeunes couples non mariés, de très jeunes couples d'immigrés de l'intérieur, c'est-à-dire des jeunes filles qui migraient à la ville pour travailler, des jeunes hommes qui migraient à la ville pour travailler, et qui, hors du regard des parents, se mettaient en couple à la colle, comme on disait, avaient des bébés et les légitimaient parfois beaucoup plus tard en se mariant ou pas. Mais c'était une illégitimité particulière, c'est-à-dire le père pouvait très bien s'investir, c'était pas la petite bonne abandonnée, séduite par son patron, c'était des couples qui s'aimaient et qui... Et les pères qui n'étaient pas défaillants. Donc, le père a 22 ans, il est originaire, il y a beaucoup de légendes sur la famille Almereda, famille Vigo, on les a dit nobles, etc. Non, c'était des très riches paysans de Cerdagne, quand même des paysans, d'un certain niveau, puisque j'ai remonté leur arbre généalogique jusqu'à la Révolution, et ils savaient tous lire. Ils signent leurs actes d'état civil, même les filles. Ce qui est l'indice quand même d'une bonne éducation assez rare en milieu paysan. Mais c'était une famille qui allait sur le déclin. Le père de ce jeune homme, du père de Vigo, était quand même viguier d'Andorre. C'est le premier viguier d'Andorre. Ouais, c'était une charge quand même très honorifique. Mais les finances commençaient à battre de l'aile. Et alors qu'il est l'aîné de la famille, il doit quand même gagner sa vie à Béziers, dans le négoce, dans le commerce... comme faisaient les familles de Cerdagne à cette époque. Oui, voilà. Et elle était issue d'un milieu plus pauvre, un peu plus chaotique, d'artisans Perpignan. Elle était très jeune, la maman avait 19 ans. Elle s'appelait Aimée Salès. Donc ce couple s'aime, engendre l'enfant, qui est reconnu par son père, qui lui donne d'ailleurs... C'est un signe d'investissement, on lui donne le très beau nom de Bonaventure qui circule dans la famille Vigo de père en fils. Chaque aîné s'appelait Bonaventure. Donc il s'appelle Eugène Bonaventure Vigo, hein. C'est une, double reconnaissance de lui léguer à la fois le patronyme et ce prénom. Et le père meurt en 1885, quand le petit a 2 ans et demi, et il laisse donc sa très jeune femme dans la misère, dans la détresse, et la famille Vigo la rejette résolument, donc ne lui accorde aucune aide. Sa famille, à elle, est assez pauvre. Et lorsque le grand-père meurt 1 an après son fils, le viguier d'Andorre, il y avait une part d'héritage qui aurait dû revenir à cet enfant qui avait été quand même reconnu, même si c'était légitime. Le code Napoléon prévoyait que l'enfant pouvait avoir la moitié d'un enfant légitime. Enfin, il aurait eu quelque chose et le frustre même de sa part d'héritage. Et Messal ne fait rien contre eux parce qu'ils sont puissants. Et finalement, la vie du coup de Gênes à Bonaventure va être une triste vie parce que pour subvenir aux besoins de son enfant et à ses besoins, elle doit sans arrêt le placer à droite, à gauche. Visiblement, il évoque très souvent une enfance très malheureuse, donc il n'a pas dû toujours être placé chez des gens bienveillants, d'après ce que j'ai compris. Et finalement, il atterrit chez ses grands-parents maternels, les parents de sa mère, à Perpignan, où là, il a de l'affection. Il les a d'ailleurs soutenus et aimés jusqu'au bout. Et il dit que c'est le seul endroit où il a connu un peu ce qui ressemblait à une famille. Mais ils sont bienveillants, mais par exemple, ils négligent de l'envoyer à l'école, qui pourtant existe déjà depuis 86. Donc lui, il est né en 83. Il aurait dû aller à l'école, qui était gratuite, libre, obligatoire. Il la fréquente par intermittence. Et à 11 ans, sa mère, qui s'est mise en couple avec un jeune photographe, de 7. Alors, photographe à l'époque, c'est vraiment une position ouvrière, hein, d'ouvrier qualifié, mais voilà. Et ce jeune homme, Gabriel Aubès, qui a 23 ans, lui propose de faire venir son garçon de 11 ans à Bordeaux et il lui dit « je le formerai à mon métier ». Donc, le petit Vigo arrive à Bordeaux, retrouver sa mère et ce très jeune beau-père. Et là, Gabriel Aubès s'aperçoit que le petit est analphabète. Il sait à peine écrire son nom, il a 11 ans, donc comment faire? Il ne veut absolument pas aller à l'école, il en a évidemment des mauvais souvenirs, parce que le peu qu'il a fréquenté, c'était toujours la honte pour lui, et c'est un enfant très orgueilleux, puisqu'il était vraiment le cancre, quoi. Et du coup, Gabriel Aubès, qui est vraiment un jeune homme remarquable, mais remarquable, j'ai une reconnaissance éperdue pour lui, parce que il a complètement sorti cet enfant de la misère intellectuelle, et après il a élevé Jean Vigo. Et il était encore assez jeune pour proposer d'élever Luce après la mort de Jean Vigo. Et malheureusement, il a été pris en charge par d'autres gens. Mais voilà, ce jeune homme se dit, bon, il ne veut pas aller à l'école, je vais m'en occuper moi-même. Et il essaye plein de dispositifs pédagogiques différents parce qu'il a quand même un peu une tête de mue, le futur Miguel Almereda. Et finalement, en 1 an, il en fait un garçon qui est capable de parfaitement écrire, qui lit beaucoup, qui dévore Jules Verne et d'autres écrivains, Dickens, on sait à peu près ce qu'il a lu par les lettres qu'il a écrit à son fils. Donc il l'a vraiment sorti de l'analphabétisme. Et en même temps, il l'a initié à la photographie. Ils partent à Paris, et c'est quelque chose qui m'a fasciné chez lui, parce que c'est aussi, si vous voulez, un archétype des militants ouvriers de cette époque, c'est-à-dire des gens qui ont très peu été à l'école, bon, aussi peu que lui, c'est rare, mais la plupart quittent l'école à 12 ans, et écrivent des textes remarquables, sont des orateurs exceptionnels, font preuve d'une grande intelligence sur tous les plans. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller sur à quoi sert vraiment l'école aujourd'hui, si vous voulez, autant d'années pour si peu, voilà. Alors que l'autodidactisme, ça marchait assez bien. Et en fait, c'est ce que dit Gabriel Aubès, si j'arrive vraiment à lui apprendre parfaitement à lire, que je suscite chez lui le goût de la lecture, il va s'élever tout seul. Et de fait, c'est ce qui se passe. Alors, il monte à Paris, il est placé dans un studio de photographe, et en même temps, il fréquente des cours du soir. Il y a des cours du soir organisés par la mairie de Paris, et puis par diverses associations, qui suit des cours de dessin, et il va aussi à l'université populaire avec son beau-père. L'université populaire du Faubourg Saint-Antoine, c'est l'université qu'on fleurit après l'affaire Dreyfus, la première héros du Faubourg Saint-Antoine, mais il y en a eu d'autres d'abord dans Paris, et puis après en province, en banlieue, un peu partout. Voilà, donc il continue à s'éduquer. Mais la vie n'est pas rose pour autant, parce que sa mère est une femme, on le saura plus tard, elle est malade, elle était atteinte de... Elle avait des problèmes psychiatriques un peu graves, mais là, ni Gabriel, son compagnon, ni son fils ne le savent. Et personne ne s'explique la dureté, la méchanceté de cette femme envers son enfant. Lui, il est donc malheureux, parce qu'au foyer, il n'a pas de tendresse, et il fugue tout le temps. D'abord, il est tout le temps dans la rue, et puis il fugue. Régulièrement, il est ramené par les gendarmes, et puis un jour, il fugue, il a 15 ans, mais vraiment longtemps, sans donner de nouvelles pendant plusieurs mois. On ne sait pas, malheureusement, c'est la période que je ne connais pas du tout. Parce que quand Jean Vigo, plus tard, a enquêté sur son père, il a écrit à tous les amis de jeunesse de son père et plusieurs lui répondent « Oh, on ne va pas te parler de son trimard, il t'en a assez parlé. » Alors oui, il lui en a assez parlé, mais moi, j'aurais bien aimé en savoir plus. Je n'ai pas pu reconstituer. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais les enfants, très jeunes comme ça, pouvaient quand même se déplacer à l'époque, trouver à s'embaucher à droite, à gauche, et sans qu'on leur pose beaucoup de questions et passer entre les mailles de la police et de la justice quand ils avaient de la chance. Et finalement, il y revient. Là, Gabriel Aubès se dit, ça peut pas, on va pas recommencer à cohabiter, parce que le caractère d'Aimé Salès ne s'était pas arrangé, le caractère de la maman. Elle supportait toujours pas son fils. Donc, il l'emmène à Sète, dans sa famille. Et c'est une famille assez extraordinaire, les Aubès. Ils sont ouvriers tailleurs, de père en fils. Ils habitent tous le même immeuble à Sète, comme les Brassens habitaient le même immeuble, le grand-père, le père. Et là, c'est pareil avec les Aubès que j'ai découvert. Et j'ai trouvé leur nom sur énormément de pétitions et de dons. Et ils donnent de l'argent quand il y a une grève de mineurs, la grève des éboueurs parisiens, ils donnent de l'argent. Et tous les membres de la famille, alors on voit le nom des enfants avec une toute petite somme, c'est très attendrissant, puisqu'ils font participer collectivement. Donc ils se retrouvent dans cette famille très militante, très républicaine. On est en pleine affaire Dreyfus, ils sont républicains, anticléricaux, affirmés, et très engagés dans ce combat. Donc lui, ça va lui donner un noyau dur de conviction auquel il sera toujours fidèle, même si... il ne va plus être révolutionnaire, il va quand même toujours garder intact ce noyau, oui, républicain et anticlérical et très clair par rapport à l'antisémitisme, ce qui est très rare à cette époque, même à gauche et à l'extrême gauche. Donc, à tout point de vue, ça lui fait du bien et aussi il va rencontrer la tendresse parce que. Il va être très lié à une des jeunes sœurs de Gabriel, qui n'a du coup pas beaucoup de différence avec lui. Lui, il arrive dans cette famille, il a 15 ans, elle doit avoir 22 ans, mais c'est vraiment la grande sœur, elle s'occupe beaucoup de lui, elle va lui écrire. Toute leur vie, ils vont s'écrire, et elle écrit à Jean Vigo, quand il la questionne, « J'ai pleuré des larmes de sang quand j'ai su que ton père était à la petite roquette. » C'est vraiment une très, très forte tendresse. Ça lui fait du bien. Il dit d'ailleurs quelque part dans un courrier, il lui dit, s'adressant à cette jeune femme, qu'elle l'a humanisé, que lui et Gabriel l'ont sorti d'une sorte d'animalité, il emploie le mot, hein, très fort quand même. Et il revient quand même à Paris, contre l'avis de tout le monde, mais bon, il a quand même son caractère, en 99, donc il a 16 ans. Et là, il apprend que sa mère vient d'être internée à Lyon, à l'hôpital du Vinatier. Qu'est-ce qu'elle faisait à Lyon, j'ignore. Bon, elle essayait de se jeter sous un tramway. Elle a été placée à l'hôpital psychiatrique. J'ai vu son dossier, d'ailleurs. C'est pas clair. On dit qu'elle est atteinte d'une syphilis, mais il n'y a aucune preuve. À l'époque, il n'y avait pas de sérologie. Enfin, et on disait très souvent comme ça, quand il y avait une démence, ou syphilis. Bref. Donc, Gabriel ne cohabite plus avec son beau-fils. Je crois qu'il n'est pas très content qu'il soit revenu à Paris. Donc, il a son logement. Le petit se loge comme il peut. Il l'a sûrement aidé à avoir du travail, une place. Mais il se voit à l'université populaire du Faubourg Saint-Antoine et puis dans des réunions anarchistes. Alors, du coup, Eugène, là, et comme beaucoup de très jeunes provinciaux émigrés à Paris, on ne se rend pas compte, mais à l'époque, il y avait énormément de jeunes de 15 à 25 ans qui venaient à Paris seuls, des garçons comme des filles, qui exerçaient des métiers où il y avait quand même beaucoup de précarité. À l'époque, il y avait beaucoup de précarité. C'est-à-dire qu'on avait du travail, puis il y avait les moments de morte saison dans l'artisanat où on pouvait être un mois ou deux sans ouvrage, et on n'avait pas d'économie, les salaires ne permettaient pas de se faire un petit matelas, donc c'était à chaque fois assez terrible. Puis les salaires des jeunes étaient bas, hein, quand même. Donc ils vivaient en garni, en hôtel, c'était pas facile, la vie n'était pas facile, avec toujours cette peur d'être expulsé. Et un mineur qui n'a plus de logement, qui dort dans la rue, s'il est arrêté par la police, on l'accuse de vagabondage, et on l'envoie à la Petite Roquette, la fameuse prison que je vous montrerai. Ben, je vais vous la montrer tout de suite, ça va. Quand même. Ça, c'est... Voilà. La prison, c'était la prison pour les mineurs, et il y avait aussi des enfants placés là comme en correction paternelle, qui était en plein Paris, près du Père Lachaise, hein, rue de la Roquette. Là, tout autour, c'est une photo qui a été prise... assez tardivement, ça, dans les années 30, puisqu'on voit des immeubles assez récents, et qui est construite selon le modèle du panoptique de Bentham, c'est-à-dire c'est le seul bâtiment en France qui est exactement un bâtiment panoptique. De la tour centrale, on peut voir toutes les cellules, hein, et avec ses passerelles, ses ailes, et de l'extérieur, vous voyez, vous imaginez, quand un enfant longeait ces murs, c'était assez terrifiant, et on menaçait facilement les enfants, mais même les enfants bourgeois de la Petite Roquette, puisqu'on pouvait placer son enfant indiscipliné, retorse, à la Petite Roquette un mois. Il suffisait d'avoir l'avis. On demandait au commissaire de police, il fallait qu'un magistrat donne son aval, en général il le donnait, et donc c'était toujours la menace. C'était un bâtiment qui terrifiait les enfants et les jeunes. Et Miguel sait que, voilà, si on est, s'il se retrouve dans la rue, donc il arrive plus ou moins à manger, parce qu'il y a de la solidarité entre tous ces jeunes gens. Il y a un peu d'arsouillage, de vol à l'étalage, puis ils mettent tout ça en commun. Ils arrivent, en gros, à manger, plus ou moins. Par contre, dormir, c'est vraiment une préoccupation, quoi. Il ne faut pas dormir dehors. C'est pas possible. Et du coup, lui, en mars 1900, alors qu'il vient de trouver une place chez un photographe, mais il a trouvé cette place alors qu'il n'avait plus un sou d'économie. Et il explique qu'il ne mangeait, il explique dans un de ses procès ultérieurs, puisqu'on lui mettait toujours cette condamnation, surtout l'Action française, c'est toujours mais d'être qu'un voleur de droit commun, etc. Il expliquait dans quelles conditions il a commis ce délit. Donc il a 17 ans, il vient de trouver du travail, mais ça fait déjà plusieurs jours qu'il n'a pas mangé, et il attend la fin de la première semaine pour manger, et il dit qu'il a une faim qui lui occasionne des souffrances intenses, quoi, et même des évanouissements. Il a très très peur d'être mis à la porte de son garni, puisque le propriétaire lui dit tous les jours: quand tu rentreras soir, tu auras ton baluchon devant la porte, je te veux plus, parce qu'il ne payait pas. Et du coup, il dérobe, avec l'aide du fils de la maison, une pièce qui serait l'équivalent, peut-être, je dirais, d'un billet de 100 euros aujourd'hui. Il ne voyait pas non plus une somme, voilà, avec le pouvoir d'achat qui représente 100 euros aujourd'hui, pour payer le logeur. Mais la mère s'en aperçoit tout de suite, enfin la patronne, porte plainte. Et il est en fait arrêté. Elle retire sa plainte quand il lui explique la situation, et elle lui dit: mais t'aurais demandé une avance, on t'aurait fait. Mais bon, il était très orgueilleux, Miguel. Enfin, Miguel, il s'appelle pas encore Miguel, Eugène. Et du coup, son casier judiciaire est vierge. La plainte a été retirée. Le délit n'est pas non plus... Encore que c'est une circonstance aggravante pour un vol de voler son patron. Ça, c'était dans la loi depuis l'Ancien Régime. Puisqu'on pouvait même condamner à mort des servantes qui volaient leur patron avant la Révolution. Ouais. Ben, Foucault en parle. Il y avait une émeute, d'ailleurs. Un jour, pour une servante qui allait être condamnée à mort et elle avait du coup été graciée, donc c'était un fait aggravant. Bon. Mais quand même, il aurait dû bénéficier de la loi sur le sursis qui venait d'être votée, mais il y a une enquête de police et on voit qu'il est anarchiste, enfin qu'il fréquente des réunions anarchistes et qu'il fréquente l'université du Faubourg Saint-Antoine, et ce qui aurait pu être considéré par les juges comme quelque chose de positif lui est imputé, voilà. Il a donc de mauvaises fréquentations et il va écoper de 2 mois dans cette horrible forteresse, donc de la petite roquette. La petite roquette, c'est vraiment terrible parce que on y applique ce qu'on appelle le régime pénitentiaire philadelphien, la prison de Philadelphie, c'est-à-dire l'isolement strict. Les enfants ont des cellules de 6 mètres carrés et ils mangent, ils dorment finalement dans leur cellule, ils y mangent, tous leurs repas sont dans cette cellule, enfin leur repas, c'est beaucoup dire, quoi, les bols de soupe et la miche de pain, et le travail, parce qu'ils travaillent tous, hein, et c'est pas une option, ils travaillent, en général pour des petites entreprises, ils font des agrafes, des éventails, des épingles, enfin ce genre de choses, et ils travaillent dans leur cellule toute la journée. Ils sont soumis à la règle de silence absolu. Bon, déjà, ils ne pourraient pas beaucoup parler puisqu'ils sont seuls, mais ils ne peuvent pas s'interpeller d'une cellule à l'autre, ni communiquer par des petits coups comme ils essayent de le faire sur les tuyaux, parce que dans ce cas-là, il y a tout un arsenal de punitions, hein, qui va de la privation de nourriture, privation de literie. Alors, les cellules étant glaciales, si vous êtes sur la planche nue, sans matelas ni couverture, c'est terrible. Il y avait beaucoup de morts, de froid. Il y avait une mortalité insensée, là, la petite roquette. Et quand ils se déplacent dans les couloirs, on leur met une cagoule pour pas qu'ils se voient. Ça existait aussi chez certaines prisons d'adultes. Victor Serge en parle pour la prison de Melun. Mais vous imaginez, des enfants, en fait, c'est de la privation sensorielle. Ils sont soumis à un régime de privation sensorielle à un âge où ils ne sont même pas terminés. Et ça laisse des séquelles gravissimes chez certains. On verra plus tard, puisque même lui, comme il y reviendra, aura de fortes séquelles. Et puis, il y a les coûts qui ne sont pas du tout inscrits dans le règlement. En principe, les coûts sont prohibés, sauf que les coûts pleuvent. Et un peu plus tard, quelques années plus tard, Miguel va, avec le grand dessinateur Aristide Delannoy, faire un numéro spécial de l'assiette au beurre entièrement consacré à la petite roquette. Et je vais vous montrer quelques illustrations. Donc ça, c'est la couverture. J'ai mal cadré, hein, vous me pardonnerez. Donc, par Miguel Almereta et Delannoy. Et on voit un gardien se servir de ses clés comme un poing américain pour frapper l'enfant. Et c'est ce qu'il faisait en général. Il se servait de leur trousseau de clés. Là, fais gaffe, tu sais que tu n'as plus qu'un œil. Donc, et toujours le fameux trousseau de clés. Moi, je trouve ces illustrations saisissantes. Et là, c'est une pendaison. Il y avait beaucoup de suicides. Et souvent, les suicides, c'était en fait en se jetant du haut de la passerelle. Je vous ai montré la prison. Ils se jetaient de la passerelle. Donc, il y avait beaucoup de suicides enfantins. Et puis, on a un peu... Enfin, moi, j'ai travaillé sur les gros registres de la petite roquette. C'est saisissant. Ils y reviennent, quoi. Et ils grandissent entre deux séjours. Les enfants grandissent entre deux séjours. Et quand vous lisez 1m45, puis 3 mois après, vous voyez l'enfant revenir, et puis il a pris quelques centimètres, c'est poignant, quoi. Et en fait, souvent, ces enfants-là finissaient... Alors, ils étaient parfois juste en transit pour les colonies pénitentiaires, où ils restaient jusqu'à 21 ans. Après, au service, ben, c'était les bataillons d'Afrique, avec les bagnes, qui étaient de véritables bagnes, évidemment. Hein. Aussi plus qu'à Cayenne, même dans les bagnes d'Afrique du Nord. Et puis, voilà, et puis ça se terminait de toute façon par une vie de, ouais, d'exclus, de paria, de grande misère, quoi. Donc, Miguel, pendant 2 mois, il a une idée fixe, évidemment, se venger. Je me vengerai de ce juge qui m'a envoyé en prison. Comment je vais me venger? Ben, puisque je suis un anarchiste, je vais me venger en anarchiste. Alors, on n'est pas très loin quand même des propagandistes par le fait. Hein, des années 90, c'est tout frais même. Et le dernier, Caserio, ce jeune ouvrier boulanger, il est parti de 7. Il ne faut pas oublier qu'il a vécu à 7, Miguel, et qu'il a dû entendre parler de la geste de Caserio qui a tué le président Sadi Carnot. Donc il veut se venger en fabriquant une bombe. Et il s'y attelle dès sa sortie de la petite roquette, hein, dès le mois de juillet, avec application, il va à la bibliothèque Sainte-Geneviève lire des traités de chimie. Il y a pas mal de jeunes qui font ça, d'ailleurs. C'est une époque où il y a des velléités de reprendre comme ça. Enfin, on trouve des bombinettes un peu partout, des bombinettes un peu mal faites. Il faut croire que la bibliothèque Sainte-Geneviève, ça ne suffisait pas à devenir un chimiste accompli. Et il y avait beaucoup d'engins un peu foireux. Alors, lui, il fabrique avec application sa petite bombe dans une boîte de cirage. Et puis, en fait, il ne la dépose pas au domicile du juge. Alors lui, mais il faut toujours se méfier de ce que disent les gens, dit que c'est parce que il avait peur finalement de faire des victimes innocentes. Moi, je crois qu'il n'a pas eu cran. Peut-être même qu'il n'a pas eu l'adresse du juge, et que du coup, il a promené ce truc dans sa poche avant le jour, et puis après, il l'a lancé dans une Vespasienne, les toilettes publiques de la place Voltaire, puis il attend l'explosion, et puis ça fait un flop, il n'y a aucune explosion, il attend pourtant assez longtemps, donc il est furieux, il s'en va, mais ça l'a, en fait, ça l'a soulagé, quoi. C'est comme si c'était véritablement vengé. Sauf que la bombe, elle est trouvée le lendemain matin et elle est confiée à la police qui l'a fait analyser par un laboratoire d'analyse municipale. Il y avait un laboratoire spécifique. Et là, elle est mise sous scellé dans une grande armoire où il y a plein de petites bombes dans des récipients parfaitement inattendus, des bouteilles, des boîtes de cirage, des boîtes de biscuits, enfin bref. Elle va rejoindre la petite collection de l'inspecteur qui est chargé d'enquêter sur ces faits-là. Et puis lui, entre-temps, bah, il vit sa vie, il est un peu libéré de ce poids en ayant eu ce geste, et il appelle cette bombe « mon engin bouffon », parce qu'effectivement, il a fait un flop. Et il va faire la connaissance d'un garçon un petit peu plus âgé que lui, qui a 23 ans, donc lui en a 17, Fernand Desprez en a 23, et ça va devenir vraiment un ami à la vie, à la mort. Bon, c'est un jeune qui a fait un apprentissage de cordonnier et qui vient d'Anjou et qui collabore au journal Le Libertaire. Il écrit une petite chronique au hasard des chemins et du coup il connaît un peu l'équipe du Libertaire. Alors ils vont très vite faire chambre commune. Je ne sais pas si ce qui a existé entre eux, on les dit en couple, on n'en sait rien, puis c'est pas très important. En tout cas, c'est une amitié amoureuse, quelque chose de très très très fort. Ils vivent ensemble, ils partagent tout, hein, même cuisine, même chambre. Enfin, leur cuisine, ils le disent, et c'est Fernand qui explique ça à Jean Vigo dans une lettre après. Il dit, voilà, on était tellement pauvres qu'on rinçait nos bassines de toilette et on versait du lait dedans et on faisait tremper du pain et c'était notre part. Et tout ce qui restait, ça nous permettait d'aller au théâtre, parce que l'un et l'autre aiment beaucoup le théâtre, et donc ils préfèrent économiser, aller au cabaret et au théâtre, mais par ailleurs, ils ne gagnent pas grand-chose. Et donc, ils vivent à Montmartre, alors ils changent souvent d'adresse, comme tous les jeunes précaires de cette époque, et j'ai toute la liste, évidemment, je vous en ferai grâce, mais sur la butte Montmartre, vous pouvez vraiment aller d'un domicile de Miguel Almeida à l'autre si vous voulez faire une balade à Thème, c'est assez marrant. Et là, il va connaître pas mal de gens dans les locaux du Libertaire, dont le poète Laurent Théâtre, qui va nourrir une certaine affection pour lui, d'autant plus que Miguel est très beau et que Laurent Théâtre est très sensible à la beauté des jeunes hommes. Il l'appelle les faibles aux yeux de gazelle. Il est heureux, donc il est entouré d'amis, et plus tard, à l'un de ses procès, il parle de ses mois, parce que ça ne va pas durer longtemps. Il dit: c'était une parenthèse enchantée, pour la première fois de ma vie j'étais aimée, considérée, et j'apprenais, voilà. Je faisais des choses intéressantes. Et en janvier 1901, c'est vraiment pour lui un événement, le Libertaire lui confie une chronique. Enfin, un article. Et donc, il va publier un éloge de la propagande par le fait. Ça s'appelle « Révolte logique ». Il aime beaucoup la poésie, sur référence directe à Rimbaud. Les garçons révolutionnaires de cette époque sont gorgés de poésie, hein, de poésie et de bombes et d'anarchie. Voilà. Et donc, il va, dans cet article, défendre de manière un peu maladroite, enfantine, naïve, mais sympathique, la propagande par le fait, et il dit que c'est une légitime défense face à un ordre social qui a massacré les communards en 1871, et la commune n'est pas loin, hein, la commune elle est moins loin que mai 68 pour nous, c'est très très proche au fond. Et il cite aussi des sidérurgistes de Chalon-sur-Saône, il vient d'avoir une grève avec trois morts, et il cite aussi, il faut le signaler, des coupeurs de canne à sucre de Martinique, 17 viennent d'être tués par la troupe alors qu'ils faisaient grève. Donc il cite ces trois événements, la commune, Chalon-sur-Saône et la Martinique, pour dire, vous voyez, vous massacrez aussi, donc la propagande par le fait par rapport à ça, c'est pas grand-chose. Et ce qui est important dans cet article, c'est qu'il va utiliser un pseudonyme. Son pseudonyme qui va devenir son nom vraiment officiel, Miguel Almereda. Et d'ailleurs, j'ai eu l'acte d'état civil de Jean Vigo, il déclare son fils et il signe Miguel Almereda. Et l'employé, visiblement, a rayé, l'a obligé à écrire Eugène Bonaventure Vigo en dessous. Mais ça va vraiment devenir son nom. Donc il sera Miguel, notre Miguel pour les anarchistes, et Vigo et Almereda pour la police. Les rapports police, en fait, le qualifient jusqu'en 17, toujours d'Almereda, en fait, voilà. Alors, Almereda s'écrit R-E-Y, alors bon, il y a une légende sur ce... J'en parle pas dans mon livre, je le dis, puisque ça m'a été reproché. En fait, on disait, c'est l'anagramme de « il y a de la merde », c'est complètement faux. La seule trace que j'ai retrouvée de ça, c'est dans l'Action française. En fait, c'est Daudet, avec toute sa malveillance, qui un jour à la chambre a dit, ah ben, et regardez même son pseudonyme, en fait c'est « il y a de la merde ». Et en fait, c'est Daudet qui a inventé ce truc, parce que lui, Miguel a choisi ce pseudonyme parce qu'il lisait toutes sortes de choses, dont beaucoup de mauvais romans aussi, des bons et des mauvais, et il a lu dans un roman feuilleton. Et pour le coup, là, c'est Jeanne Imbert qui m'a mis sur la piste. Et souvent, ce qu'elle dit sur Miguel est juste. Donc, elle dit qu'il avait trouvé son pseudonyme dans un mauvais roman feuilleton. Cédric Biagini me dit, trouve-le si tu affirmes ça. Tu trouves, c'est pas bien facile de le trouver. Mais je me suis dit, comment faire? Alors, je faisais Almereda sur Gallica, rien du tout. Puis j'ai eu l'idée de varier l'orthographe et en faisant Almereda avec que des E, je suis tombée sur un roman feuilleton paru dans un journal qui s'appelait Le Français et qui après a été édité, qui s'appelait La Belle Judith. Et c'est, alors on comprend bien pourquoi il a choisi ça, parce que c'est un jeune sud-américain qui est à Paris, qui est malheureux, qui n'a pas le sou, qui a été déshérité par sa famille, qui est orphelin de père, enfant illégitime, déshérité par ses oncles, enfin c'est lui quoi. Et qui, en plus, évidemment, manie l'épée comme un mousquetaire. Donc, il s'est identifié à ce garçon et il l'a choisi comme nom de plume. Alors, le problème, c'est que la police, évidemment, un éloge de la propagande par le fait, elle tend l'oreille. Et elle se dit, mais qui est ce Miguel Almereda? Très vite, elle apprend, parce qu'il y a des indicateurs dans le milieu, qui s'appelle en vérité Eugène Vigo. Alors hop, et on va voir les petites fiches. Eugène Vigo, tiens, apprenti photographe, tiens. Dans la petite bombe, il y avait quelque chose qui avait étonné le labo, c'est qu'il y avait de la poudre de magnésium. Or, on n'en trouvait dans aucune bombe. Et la poudre de magnésium, c'était un ingrédient énormément utilisé par les photographes à l'époque, parce que l'effet de flash était fait en enflammant de la poudre de magnésium qui faisait une lumière très vive. Et c'est comme ça qu'il se fait prendre. Il est arrêté, il avoue assez vite, et là, c'est retour à la petite roquette, mais pour un an. Et un an, deux mois on peut s'en remettre, un an, c'est immensément long. à n'importe quel âge ça le serait, mais encore plus évidemment à cet âge-là. Donc en mai 1901, il a 18 ans et il va purger une année d'isolement, de silence absolu et de malnutrition qui va porter d'ailleurs toute sa vie, parce qu'il va avoir le système digestif parfaitement dévasté par ça. Alors, il sort à la fin du mois d'avril 1902. Ses amis du Libertaire se sont mobilisés, bien sûr, pour lui. Là, cette fois, il n'est pas seul. C'est pas un inconnu. On se bat pour lui, mais on arrive juste à réduire sa peine d'un an. Donc, il va faire de fait 11 mois. Mais alors, à la sortie, il va vraiment être pris en charge, notamment par Séverine, la grande journaliste Séverine, qui va être extrêmement maternelle avec lui, va l'emmener à Pierrefonds, va... avec Fernand, elle les prend tous les deux, elle lui refait un peu une santé. Et il va retrouver donc le Libertaire, où on va lui donner encore plus de chroniques. Alors, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Ah ben, non. Voilà. Et c'est lui, quand il sort de la petite roquette. Il fait cette photo, d'ailleurs, pour l'envoyer à la famille Aubesse. Et vous voyez, il a déjà beaucoup d'élégance. Bon, la Lavallière, des jeunes anarchistes, aiment beaucoup se vêtir ainsi. Hein, c'est un peu un signe de ralliement. Et tout est déjà en place. Il y a un nombre de moustaches. Après, ça va devenir une tête à moustache. La coupe de cheveux. Bon, voilà. On voit déjà le Miguel à venir. Et dans les locaux du journal, il va rencontrer Émilie Clairaut. Émilie Clairaut, qui est une jeune femme anarchiste, qui vient aussi d'Anjou et qui vit avec le gérant Philippe Auguste, qui s'appelle Philippe Auguste, du Libertaire actuel. Le poste de gérant, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec le directeur de la publication. En fait, c'est celui qui porte la responsabilité légale. Et ça tournait dans les milieux libertaires, c'est celui qui va en prison quand il y a un article interdit. Et donc, à ce moment-là, c'est lui qui exerce cette charge. Et par ailleurs, il est tourneur, il est sculpteur sur bois, qui est un métier ouvrier, quoi. Il sculpte des armoires. Dans la cour, j'étais voir, les locaux n'ont pas changé, c'est mon cour. Et là où étaient les ateliers d'ébéniste, ben maintenant, c'est des logements très branchés et tout. Mais bon, on voit bien la structure. Donc, il travaillait dans la cour. En même temps, il était gérant du Libertaire. Et il vit avec cette jeune femme. Ils ont deux enfants. Et ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et ils vont se mettre en ménage. Donc, ils se séparent de Fernand. Mais ils vont vivre dans une vie très, très précaire, parce que lui se dédie complètement à la politique et à son amour nouveau, neuf. Il travaille de moins en moins, voire à un moment, il ne travaille plus du tout. Donc, ils vivent d'expédients. Ils déménagent sans arrêt parce qu'ils n'ont pas de sous. Et c'est dans ce contexte, il souffre aussi de la faim, que va naître Jean, le petit Jean Vigo, leur fils, en avril 1905, dans une petite chambre du quartier de la Goutte d'Or. Et cet enfant, ils vont l'emmener partout avec eux. Il y a pas mal d'enfants qui naissent quand même dans le milieu libertaire, mais on ne les voit pas dans les rapports de police, tandis que là, beaucoup de rapports de police qui mentionnent la présence de Nono, parce qu'il va être surnommé Jeannot Nono. Et Nono, c'est le nom du roman de Jean Grave, du roman utopique de Jean Grave. Donc c'est vraiment un peu la mascotte du milieu anarchiste de la butte Montmartre. Et dans les rapports de police, on voit Miguel avec des biberons dans ses poches qui tient bien au chaud et qui, quand il est en plein meeting, le petit braille, il fait passer le biberon, bien, il prend son enfant et il donne le biberon tout en parlant. C'est aussi un aspect de sa personnalité assez singulier et sympathique, c'est-à-dire, bon, Émilie Clairaut n'était pas très maternelle de toute façon, mais lui, il va adorer ce petit bonhomme et il va vraiment être un père poule, quoi. Il l'a constamment dans les bras, quoi qu'il fasse. Alors, on va voir la photo de Miguel et Nono. On habillait les petits garçons en filles jusqu'à un certain âge. Donc ça, c'est en 1907. La situation matérielle, on verra pourquoi, de Miguel s'est améliorée entre-temps. Il n'est pas devenu riche, mais il est collaborateur de la guerre sociale. Il a l'équivalent d'un salaire ouvrier. Il a un salaire régulier pour la première fois de sa vie, donc il peut s'habiller, habiller son fils. Et quand même, il y a une certaine précarité. Et là, il y a un Marseillais qui s'appelle Henri-Pierre Gassier, je ne sais pas si vous le connaissez, qui était dessinateur, un des grands dessinateurs de cette époque et riche en dessinateurs, qui était le dessinateur attitré de la guerre sociale et qui est passé au Canard enchaîné, qui a aussi dessiné pour l'Humanité d'ailleurs, et qui dans ses lettres fait plein de dessins. Et ces lettres, elles sont archivées sur le fond d'Amsterdam, notamment il y a dans le dossier Hotz, il écrivait beaucoup à Hotz. Et il dessine Miguel déménageant, parce qu'ils étaient quand même obligés de déménager souvent à la cloche de bois, hein, sans payer le terme. Et là, c'était avec une carriole, on entassait tout. Il y a Émile qui porte les dredons et Jean Vigo qui pousse la charrette. Quoi. Alors, là commence la période, donc on sort de l'enfance, 1905, il a 22 ans. Et c'est là qu'il va s'imposer vraiment comme, pour la préfecture de police, c'est le premier révolutionnaire sur la liste des révolutionnaires parisiens, le premier arrêté en cas de... Le trouble, hein, donc c'est pas vraiment n'importe qui. Et ça, il va gagner ce titre à travers l'Association internationale antimilitariste des travailleurs. Donc il faut voir que ces années sont des années de forte combativité ouvrière. Il y a entre 1000 et 1500 grèves par an en France, dans tous les secteurs d'activité, qui mettent en branle à peu près 500 000 travailleurs. Chaque année, c'est pas rien, et dans tous les secteurs d'activité. Et puis, c'est pas des grèves tranquilles, hein, c'est des grèves avec sabotage, incendie de maison de patron, etc. Et beaucoup de violences policières aussi en retour, enfin, violences de l'armée, parce que précisément, il n'y a pas de force de répression dédiée à cette époque, il n'y a pas l'équivalent des CRS. Hein, et donc, c'est l'armée. Dans les grèves, il y a les gendarmes d'abord, quand c'est hors de Paris. La garde républicaine à Paris, et très vite, on en vient, quand ça se prolonge, quand il y a plus de troubles à l'ordre public, à faire intervenir l'armée. Et c'est pourquoi, et c'est un peu dans tous les pays pareil, et c'est pourquoi les travailleurs doivent se soucier de ce problème, parce que l'armée, c'est l'armée des appelés, c'est le contingent. Et là, on a véritablement, depuis 1886, un vrai service militaire obligatoire pour tous, sans passage par le bon numéro ou mauvais numéro, quoi. Tout le monde y va. Et donc, en juin 1904, il y a un premier congrès antimilitariste qui se tient à Amsterdam avec des délégués de plusieurs pays d'Europe, Miguel s'y rend, et c'est lui qui, à la fin du congrès, va être désigné comme secrétaire de la section française aux côtés de Georges Yvetot, l'anarchiste Georges Yvetot, qui est aussi le numéro 2 de la CGT. La CGT de cette époque étant globalement, on va dire, anarchiste, hein, enfin, majorité de ses militants. Et surtout depuis qu'il y a eu la fusion avec les bourses du travail. Donc Yvetot, c'est le numéro 2 de la CGT, il est anarchiste, il va être donc secrétaire avec Almereda, mais du coup il est trop pris par ses activités syndicales pour s'occuper de l'affaire, et c'est Almereda qui va être complètement à la manœuvre et qui va s'y donner à cœur perdu. Donc grâce à ses efforts, très vite, en moins d'un an, il y a près de 6000 adhérents, c'est pas rien quand même, regroupé dans 93 sections à Paris et en province, et Almereda est un véritable commis voyageur de l'antimilitarisme. Alors on le sait parce qu'il y a tous les rapports de police qui le suivent à la trace, donc il se déplace à vélo, en train, il monte son vélo sur le train, puis après il se rend dans un tas de petites villes et villages, et il monte toute cette association. Et malgré tout, il pourrait être assez content d'avoir atteint autant de militants en si peu de temps, mais ça ne lui suffit pas. Il a l'impression qu'il y a un manque de visibilité. Et il propose, pour faire parler de l'association, de placarder une affiche à l'adresse des conscrits, une affiche qui est très incendiaire, de la signer, de la faire signer par un certain nombre de militants, dont certains très connus, pour aller en justice, bien sûr, et pouvoir avoir une rupture, une défense de rupture, et pouvoir plaider la cause de l'antimilitarisme. Et d'ailleurs, ils vont bien réussir leur coup. Et donc, ça va être l'affiche rouge, voilà, qui va être placardée dans toutes les villes où la IA a des sections. Hein. Donc, ils font ça au moment de ce qu'on appelait le départ de la classe, c'est-à-dire quand la classe qui arrive à l'âge du service militaire part, eh bien, il y a des sortes de cérémonies à la campagne, ils essayent de valoriser le service, donc les autorités organisent des choses qui sont souvent perturbées, puisque personne n'a envie d'aller faire son service, vraiment, en général, c'est en octobre, donc là, c'est le 7 octobre 1905. Et ils demandent donc aux soldats de refuser de tirer sur les travailleurs, et même si on leur donne l'ordre de tirer sur des travailleurs en grève, de retourner leurs balles, comme dans la chanson internationale, contre leurs généraux, contre, dit l'affiche, les soudards galonnés qui oseraient donner de tels ordres. Donc bien sûr, tous les signataires vont être inculpés d'incitation au meurtre, d'appel à l'insubordination, et vont comparaître en justice du 27 au 30 décembre devant la cour d'assises de la Seine. Et là, ils vont vraiment faire entendre la voix de l'AIA. Il va y avoir toute une brochette de témoins très très prestigieux. Jaurès va venir les défendre, il va y avoir Sébastien Faure, Lafargue, il y a le polémiste Rochefort qui depuis est à droite et a été anti-Dreyfusard, mais qui toute sa vie a défendu la liberté d'expression. Donc lui, il vient défendre au nom de la liberté d'expression, même s'il n'est pas sur la ligne politique, leur ligne politique. Alors la plus lourde condamnation va échoir à Gustave Hervé, qui va avoir 4 ans. Et puis ensuite, c'est Miguel Almerida, Georges Yvetot, qui vont avoir 3 ans de prison, et les autres de 6 à 15 mois. Alors Gustave Hervé, c'est une personnalité intéressante et qui occupe une place très importante dans mon livre et dans la vie de Miguel Almerida. C'est un enfant de Brest à la base. Il est orphelin d'un père qui était ouvrier aux arsenaux de Brest. Au milieu très pauvre, élève tellement brillant qu'il va obtenir une bourse qui va lui permettre d'être interne au lycée de Brest et ensuite à Henri IV, au lycée Henri IV de Paris. Et il va, la bourse, enfin, c'est un truc un peu aberrant, s'arrête après la première année de classe préparatoire, donc il ne peut pas intégrer Normale Sup. Il va travailler comme pion pour passer seul sa licence d'histoire, puis l'agrégation qu'il va obtenir, mais au prix de... Enfin, il le raconte, enfin, ça veut dire c'est des journées de... Il fait des journées de... Je sais pas, moi... 8 heures sur... Il dort 4 heures par nuit, quoi, pour faire tout ça. Parce que pion, à l'époque, c'est très dur, on leur demande énormément d'heures. Enfin, à la force du poignet, il a eu cet agrég. Il a été nommé dans Lyon. Il adhère à la section socialiste de Lyon, qui est une section almaniste, donc Jean Alman, une tendance insurrectionnaliste du socialisme. Et là, il va publier des articles dans un journal qui s'appelle le Piu Piu de Lyon, et qui est un journal antimilitariste. Et en fait, pour ces articles, il va passer en justice, il va être acquitté, mais l'éducation nationale va le radier. Il va être radié, et c'est jamais marrant d'être radié, mais quand vous avez obtenu l'agrégation dans ces conditions, c'est un peu terrible, quoi. Et ensuite, il va se rabattre, faire seul des études de droit, passer le barreau, et il va être radié de l'ordre des avocats. Donc, pour les mêmes raisons. Donc, voilà. Et c'est lui, cet homme, qui commence à être connu parce que son exclusion de l'éducation nationale a fait grand bruit. Il y a eu des banquets organisés en son honneur. Il a été soutenu par les grandes figures socialistes de l'époque, notamment Jaurès. Et du coup, bah, le fait qu'il soit dans les signataires, ça donne une audience. Et le fait surtout qu'il passe en justice, puis c'est un très grand orateur, Hervé. Hein. C'est un peu, il a du, un côté... Bon. Je ne dirais pas, mais non. Non, parce qu'il a aussi. C'est un bon orateur. Bon. Mais parfois, il a dit beaucoup de bêtises, mais c'est un bon orateur. Et du coup, évidemment, le procès a une forte audience. Alors, ils vont tous se retrouver à Clairvaux, la centrale de Clairvaux, qui est une ancienne abbaye. Et là, bah, ça ne va pas du tout être la même chose que la petite roquette. C'est-à-dire, ils sont des syndicalistes, des socialistes, anarchistes, avec un régime quand même assez sympathique. Puis Hervé s'est battu dès le début pour qu'ils aient vraiment les droits des politiques. Donc en fait, ils peuvent passer toute la journée ensemble à discuter, ils ont tous les journaux qu'ils veulent, et ils peuvent avoir des visites tous les jours. et sans parloir, dans la cour de la prison. Dans... Et du coup, Émilie loue avec la femme d'Yvetot un petit pavillon tout à côté, et elle amène Jean, qui est tout petit, hein, tous les jours voir son père. Donc, il a quel âge ? Il a un an, c'est comme ça. Hein. Oui, il est né en janvier 1905, en avril 1905. Enfin bref, il est tout petit et c'est à Clairvaux qui fait ses premiers pas, Jean Vigo, qui passe parce qu'il s'agrippe d'une jambe de syndicaliste à l'autre, il joue à cache-cache derrière les piliers. C'est quand même une enfance particulière que l'enfance de Jean Vigo. C'est là qu'il a appris à marcher. Et c'est très. Enfin, dans la formation politique et intellectuelle de Miguel, ça va être très important. Alors, Hervé va nouer une très forte amitié avec lui. Hervé, c'est un pédagogue en mal d'élève, en fait. Il avait une véritable vocation pédagogique. Et là, il a ce jeune homme un peu mal dégrossi, quand même parfaitement autodidacte, qui a des lacunes énormes, et qui en même temps est très vif d'esprit. Il dira à la fin, alors qu'ils sont complètement brouillés, que c'est la plus grande intelligence qu'il a jamais connue dans les milieux radicaux, qu'il avait une folle bravoure, la plus belle âme, etc. Il a une vraie admiration pour ça. Une intelligence qui est différente de la sienne, qui est plus fulgurante, plus intuitive, alors que lui, Hervé, un côté quand même laborieux, bien organisé. Mais ça va se féconder. En fait, il va vraiment lui donner des bases historiques aussi, de culture historique, qui vont être bienvenues. Et puis les syndicalistes le branchent quand même sur la lutte. C'est un peu un volet qui lui manque. La lutte syndicale, et ils vont se dire il faut qu'on prolonge ce qu'on a fait là avec l'association, avec l'affiche, on doit le prolonger en sortant dans une publication, et ils vont avoir l'idée de créer un journal, et ce journal ça va être La Guerre sociale. Ils s'y mettent dès qu'ils sortent. Alors dans ce journal il y aura des anarchistes, des syndicalistes, des socialistes mais insurrectionnels, pas réformistes, hein. Ils veulent faire, et c'est le sous-titre de La Guerre sociale, un organe de concentration révolutionnaire ouvert à tous ceux qui travaillent autrement que par l'action légale à l'expropriation de la bourgeoisie capitaliste. Et le premier numéro va sortir le 19 décembre 1906. Alors, ça, vous voyez comment le journal se présente. Alors, vous devez peut-être pas être des rats de tous, en tout cas des rats de bibliothèque, mais c'est assez moderne quand même, c'est très aéré, très clair. Très illustré, il y a toujours un grand dessin à la une et des titres, on dit d'Almereda. Almereda va être le secrétaire de rédaction, Hervé le directeur, et un jeune Marseillais, Eugène Merle, ouvrier plâtrier, qui a milité dès l'âge de 15 ans et qui est un grand ami aussi de Miguel, qui va lui être chargé de l'administration du journal et qui est un très bon administrateur. Et on dit de Miguel qu'il manie la titraille comme de la dynamite. Et c'est vrai qu'il trouve des titres qui parfois trahissent d'ailleurs, vont trop loin même pour Hervé, vont jusqu'à trahir ses propos, mais qui sont bien trouvés, quoi, qui claquent. Et ils ont des collaborateurs prestigieux, dont Madeleine Pelletier d'ailleurs, et puis aussi de grands dessinateurs, et ça c'est assez formidable. Ils vont avoir Grandjean, qui va être pratiquement Jules Grandjean, un des dessinateurs habituels. Henri-Pierre Gassier, qui débute, ce jeune Marseillais qui débute, mais qui a fait le petit dessin que vous avez vu tout à l'heure, qui est un bon dessinateur. Et le grand Delannoy, Aristide Delannoy. Et ça, dans cette une, c'est après une grève à Draveil, où la troupe avait tiré, et ça représente Clémenceau. Vous voyez Clémenceau au bout d'une pique, avec une tête de mort, bien reconnaissable à sa moustache. C'est un très beau dessin de Delannoy. Bon, là, il n'est pas servi par... Je suis un peu nul, hein, donc... Je sais pas. Il a utilisé le même dessin pour les hommes du jour. Oui, c'est ça, voilà. En fait, il a donné à la guerre sociale le droit d'utiliser ce dessin des hommes du jour. Voilà. Oui, alors, ça aurait été plus... D'ailleurs, vous auriez mieux vu le dessin si j'avais pris la une des hommes du jour, mais je voulais vous montrer à quoi ressemblait le journal La Guerre sociale. Alors, ils ont un public assez divers, et dans les abonnés, j'ai trouvé quand même deux figures très célèbres. Guillaume Apollinaire, qui a été abonné, qui a acheté du numéro 1 au dernier numéro, et d'ailleurs c'est des numéros, j'ai travaillé sur les numéros d'Apollinaire à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, j'étais quand même émue en me disant Apollinaire a tourné ses pages avant moi. Il y a quelques collections en France, mais il n'y en a pas beaucoup, et dont une qui est celle d'Apollinaire et Marie Curie. Parce que Marie Curie, on sait tous la grande scientifique qu'elle a été. On ne connaît pas son côté politique. Elle était, en fait, assez proche de ces milieux. Enfin, elle avait de la sympathie. En tout cas, elle était abonnée à la guerre sociale et elle a fait poser ses enfants avec un numéro de la guerre sociale. Parce qu'à un moment, pour faire un peu de la pub, ça, c'était les idées de mère, là, qui étaient très pub. Elle avait dit, bon, on va prendre des gens connus. Puis, bon, alors, il y a Apollinaire qui tient le journal. Je l'ai mis dans le livre. Le cliché avec Marie Curie n'était pas assez net pour qu'on le mette avec les petites filles Curie. Dommage, parce que c'était quand même chouette aussi. Bon, c'est une femme pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, méconnue. On connaît d'elle son côté austère et tout, alors que c'était une très bonne vivante, qui parcourait la France à bicyclette, qui se baignait à poil en Bretagne. Enfin, ça, on ne sait pas, hein, mais... Enfin, je suis hors sujet. Mais... Donc, là... Il va vraiment se réaliser comme secrétaire de rédaction. Il va d'ailleurs prendre le goût du journalisme. Hein. Il est venu au journalisme par la Révolution, mais en fait, de plus en plus, il va avoir un véritable goût pour le journalisme. Il change de vie, il a quand même un salaire régulier, même s'il est modeste. Et malgré tout, ça ne va pas être le paradis, parce qu'il va, dans les années suivantes, être condamné à plusieurs reprises à des peines de prison ferme, toujours pour des délits de presse, et toujours pour insultes à l'armée, ou aussi pour participation à certaines manifestations, parce qu'il a le goût du combat physique. Il fait beaucoup de manifs, et dans les manifs, il affronte la police avec beaucoup de vaillance. Donc, l'été 1907, 6 semaines, parce qu'il a perturbé le défilé militaire du 14 juillet, juillet 1908, 2 ans de prison pour avoir fait l'éloge des soldats qui s'étaient mutinés à Béziers au moment de la grande révolte des viticulteurs du Midi. Et 1 an de plus en septembre 1908. Alors, il est condamné 1 an de plus alors qu'il est en prison, parce que il a écrit un article condamnant les expéditions militaires de la France au Maroc. À l'époque, la France intervient beaucoup au Maroc. Elle est en rivalité avec l'Allemagne, entre autres. Et il y a des massacres, des exactions diverses et variées. Et oui, parce qu'il faut vous dire que quand ils sont en prison à la santé, ils font sortir tous les papiers qu'ils veulent. Hein. C'est le régime politique à cette époque, c'est vraiment on commande les meilleurs vins, tout est permis, on mange ensemble, on reçoit sa famille. Et même Almereda a obtenu de recevoir la famille, il disait la famille, dans la cellule même. Et il écrit une lettre à Clémenceau. Et Clémenceau dit « Oui, oh, j'ai bien compris, la famille, ils veulent recevoir leur femme dans leur cellule. » Et il dit « Oh, bah pourquoi pas, ça s'est fait avant. » Et il dit « Entendu, mais que la légitime est là. » Almereda réécrit une lettre en disant « Mais vous savez que les anarchistes refusent le mariage, mais moi, par exemple, j'aime... Et la mère de, c'est la mère de mon fils, je l'aime, voilà, mais on ne se mariera jamais. » Et alors, Clémenceau cède à nouveau et dit « Bon, d'accord, mais toujours la même. » Toujours la même. Et il aurait même dit « Il se fout de ma gueule. » Mais vous voyez, c'est d'une époque un peu étrange où on peut écrire au président du conseil pour lui demander ce genre de choses. Et donc, il faut sortir, évidemment, plein de papiers et de dessins. Et à un moment, à cause de l'affaire marocaine, ils vont tous être en prison. Toute la guerre sociale est en prison. Et il y a des camarades qui prennent le relais pour que le journal continue à paraître. Alors, il y a un dessin, d'ailleurs. C'est... Ah oui, mais alors, attendez, est-ce que j'ai pas été trop loin? Non. Donc, il va y avoir Delannoy, qui, dans les Hommes du Jour... Les Hommes du Jour, le concept, c'est de faire un portrait. Alors, c'est parfois un portrait qui va dans le sens de l'éloge, et parfois un portrait à charge. Et là, c'est le général Damad qui est le boucher du Maroc, enfin, qui conduit les expéditions militaires au Maroc. Et là, Delannoy l'a dessiné avec un tablier de boucher et les mains tachées de sang. Et pour ça, il va être condamné à 3 ans de prison, Delannoy. Et c'est pareil, les dessinateurs étaient très courageux, hein, parce qu'ils étaient régulièrement condamnés. Et ils rentrent avec un début de tuberculose. son état s'aggrave terriblement et quand il sort, il n'a plus qu'un an ou deux à vivre et en partie, cette condamnation là est responsable. Alors, il a, Delannoy, fait ce dessin où il représente tout le monde derrière les barreaux, donc la santé, la prison de la santé, pour tous, docteur Clémenceau. Et bah, je vais vous montrer, alors ça c'est Yvetot, ça c'est Pouget, non c'est Hervé, Pouget il est derrière, ça c'est Merle, ça c'est notre Miguel, ça alors je ne sais plus, et ça c'est Delannoy, ce grand maître c'est Delannoy, voilà. Et le dessin existe aussi en couleur. Bah, ah oui, il bah, y a les noms là, mais je ne peux plus les lire, bon c'est pas grave, hein, je vous ai désigné les principaux. Donc toute l'équipe va se retrouver derrière les barreaux. Et c'est lors de ce séjour qu'il va se passer quelque chose d'un peu troublant. C'est qu'à la même époque, dans les rues du quartier latin, l'Action française, le journal nationaliste antisémite de l'Action française, mène des actions, notamment contre les professeurs de la Sorbonne qui sont dreyfusards. Et ils les empêchent de parler en cours, ils les attaquent, enfin même ils leur font des sévices. Il y en a un qui est déshabillé devant ses étudiants et frappé, enfin des choses très dures. Ils sabotent des statues, ils empêchent des pièces de théâtre, notamment il y a la fameuse affaire Bernstein, c'est un auteur juif qui a écrit une pièce de théâtre qui passe à la Comédie française et il manifeste à chaque représentation pour que la pièce s'arrête. Ce qui fait que Bernstein est protégé hein, par la police et les camelots sont abaissés, mais les acteurs sont soumis à une telle contrainte que Bernstein retire sa pièce. Enfin, c'est une cancel culture hein, menée par l'extrême droite. Voilà, pas très joli. Et il se retrouve en prison en même temps que toute la bande là. Et il va y avoir une sorte de fraternisation, en fait, contre nature, mais ils ont un même ennemi qui est la République bourgeoise, et pas pour les mêmes raisons. Mais du coup, l'Action française est ravie de tous ces troubles, ces grèves, parce qu'elle se dit « Ah, le prolétariat commence à se détacher de la République. » Donc, on va pouvoir, si la monarchie, si la classe ouvrière se détache de la République, elle pourra être convertie à une monarchie sociale et on les récupère. Donc ils sont tout miel avec les révolutionnaires. Il faut voir un peu les éloges qu'ils font à ce moment-là des uns et des autres pour après leur cracher dessus. Et il y a des amitiés, bien en même temps, ils sont très jeunes, la plupart quand même, hein, c'est des moins de 25 ans, très courageux physiquement, très exubérants. Il y a des points communs, avec un goût pour une fascination, même pour la violence. Donc il y a des liaisons dangereuses qui se forment. Et d'ailleurs, Miguel n'est pas le moins perspicace. À un moment, ils ont représenté la République tachée de sang. Enfin, il y a un sculpteur qui est de l'Action française, son nom ne va pas me revenir tout de suite, Maxime Del Sarté, qui est un sculpteur un peu reconnu de l'époque, très jeune aussi, il a 22-23 ans. Et il s'amuse à faire des concours de sculpture. Alors bon, quand c'est Clémenceau, tout le monde est content. La République, ça gêne un peu Miguel. Voilà. Il se dit, mais qu'est-ce que je fais là avec ces salopards qui est anti-Dreyfusard à représenter la République comme ça. Il est mal à l'aise et il le dit. Hein, et il dit, bon, vous faites les malins au quartier latin en ce moment parce qu'on est tous bouclés, mais quand on sortira, il faudra revoir ça. De fait, les choses vont bientôt être rentrées dans l'ordre parce que Almerida est libérée en août 1909 après 16 mois de détention. Les peines sont lourdes, mais à chaque fois, on les fait sortir avant. Le gouvernement ne tient pas, parce que c'est quand même une honte pour le gouvernement français d'avoir autant de prisonniers politiques, prisonniers d'opinion. Donc, à la moindre occasion, 14 juillet, élection, on les libère quand on fait le mois d'amnistie et ils sortent avant. Et il ne va évidemment pas se tenir tranquille en sortant. Et quand il sort, c'est l'affaire Ferrer qui éclate. Alors Francisco Ferrer, c'est un militant libertaire très connu, pédagogue, catalan-espagnol, qui est accusé par l'État espagnol d'avoir fomenté les émeutes de Barcelone. Les émeutes de Barcelone, elles sont aussi liées au Maroc. C'est-à-dire l'Espagne envoie des troupes au Maroc. Et la population, à un moment, s'est opposée au départ des réservistes en empêchant les soldats d'entrer sur le bateau. Et il y a une répression et ils vont incendier Barcelone. Alors, je vous montre la photo, c'est spectaculaire. Et là, tout ça, c'est des couvents et des églises qui brûlent. 80 bâtiments religieux incendiés dans ces 3 jours, parce que l'église était le grand ennemi de la classe ouvrière. Enfin, je pense que c'est toujours un peu le cas. Toutes les religions, je précise, sans exception, pas que le catholique. Mais voilà, à cette époque, il y a vraiment, c'est très clair hein, dans la tête des révolutionnaires, que l'église, c'est l'ennemi. Et donc, et qu'un parti lié avec l'armée, puisque les bateaux sont bénis par l'évêque de Barcelone avec son goupillon, et donc c'est eux qui vont trinquer. Et il y a des morts, bien sûr, et des arrestations par centaines, et des condamnations à mort. Et parmi les condamnés à mort, on va avoir le grand Francisco Ferrer, qui est très connu. Bon, il est franc-maçon, il est lié à tout mouvement libertaire, mais au-delà, hein, aussi à des républicains. Enfin, il est connu dans le monde entier, à tel point que lorsqu'il va être exécuté, parce qu'il va être exécuté, eh bien, il y aura des manifestations, c'est le 13 octobre 1909, dans le monde entier, à Prague, on sait que Kafka y a participé, New York, il y en a même en Australie, il y a des dockers qui bloquent le port de Sydney, l'Amérique latine, Uruguay fait plusieurs jours de grève générale, à Rome, les bâtiments religieux flambent aussi, partout, partout, partout. Mais à Paris, c'est à Paris qu'il va y avoir l'émeute la plus violente, si vous voulez. Et il va y avoir un cortège qui va se former. Alors ça aussi, c'est quand même une période extraordinaire, parce qu'on attendait l'exécution de Ferrer. Mais la nouvelle est tombée au dernier moment, quand il a été en fait exécuté dans la foulée du procès. Ils l'ont exécuté quelques heures quasiment après sa condamnation. Donc le 13 octobre, ça tombe à 14h. Les agences de presse lancent la nouvelle à 14h. Les quotidiens diffusent l'information donc vers 16h, 16-17h. Et le soir, sans qu'il y ait donc un mot d'ordre de regroupement, etc., il y a plusieurs centaines de milliers de Parisiens qui, après leur journée de travail, se retrouvent pour se rendre en cortège, vous ne pouvez plus avoir ça aujourd'hui, à l'ambassade d'Espagne. Bien sûr, la police va bloquer l'accès à l'ambassade, et ça va être une frénésie. Alors, les gens sont venus même avec des instruments de travail, notamment les terrassiers, qui sont un peu la fleur du prolétariat. Hein. Ils ont des pioches, ils dépavent complètement, et avec leurs pioches, ils vont percer les conduites de gaz et les enflammer. Il y a des photos spectaculaires. Il y a je ne sais pas combien de tramways, parce que le préfet Lépine avait dit on va laisser la circulation des tramways, ça va les ralentir. Bah oui, ça va les ralentir, ils ont brûlé tous les tramways. Le mobilier urbain, enfin, c'est quelque chose de faramineux. Lépine reçoit une balle qui lui grille sa fameuse barbichette qui passe là. Il y a des gens, mais ça, qui disent que c'est Miguel qui l'aurait tiré, mais bon, on veut toujours lui faire porter le beau rôle. On ne sait pas qui a tiré sur l'épine, de toute façon, il n'a pas été tué. Mais il y a eu un policier tué, il y a eu des manifestants, mais même, ils n'ont pas réussi à arrêter grand monde, parce que quand la police essayait d'arrêter un manifestant, il y en avait 10 qui le décrochaient, enfin, voilà. Ça, c'est l'affaire Ferrer. Et là, bien sûr, ça rebat les cartes, parce que les gens de l'Action française, ils se retrouvent dans le camp opposé, dans le camp de l'Église espagnole, de la monarchie espagnole, et les bagarres vont se prolonger dans les jours qui viennent contre les camelots du roi, qui disent, qui pavoisent, bien fait, votre Ferrer, etc. Et là, bon, ouf, chacun retrouve son camp, et Miguel va d'ailleurs créer une force antifasciste qui s'appelle les Jeunes Gardes, spécialement dédiée au combat, qui s'organise sur le modèle des camelots, il les copie, c'est-à-dire sortent un peu de milices, c'est des petits groupes, des escouades de 10 qui ont un lien avec une seule personne, laquelle a un lien avec une autre, etc. Ce qui fait qu'on peut donner un ordre de mobilisation, il n'y a pas les réseaux sociaux, très vite et de manière secrète, pour se retrouver à tel endroit ou tel endroit pour attaquer les fascistes, enfin fasciste, c'est complètement ironique d'utiliser ce terme, les nationalistes antisémites de l'Action française. Voilà. Alors, juste après cette mobilisation, Almereda va s'engager dans une autre très virulente campagne de presse, cette fois pour sauver de la guillotine un tout autre personnage, un personnage qui n'est pas du tout un politique et un parfait inconnu, c'est un très jeune cordonnier de 23 ans qui a été accusé à tort d'être un souteneur de proxénétisme parce qu'il avait une amie prostituée. Il avait d'ailleurs des amies prostituées, mais il travaillait de son métier de cordonnier. Et il a été accusé à tort, emprisonné, interdit de séjour. Et pour se venger, il avait, c'est assez connu l'histoire, mais il avait confectionné une armure avec des bracelets en cuir, des clous, mis une pèlerine. Et les policiers qui ont essayé de se saisir de lui sont percés les mains. Et il a, avec son tranchet, tué un policier. Et il est condamné à mort. Et il y a une très grande campagne de presse et les Dreyfusards sont sollicités, tous les intellectuels Dreyfusards, en disant là aussi il y a une injustice à la base parce qu'il a été victime d'une condamnation injuste et s'il ne l'avait pas été, il n'aurait pas tué un policier. Et beaucoup vont signer pour Liabeuf sans faire de manière, quoi. Et c'est assez aussi à souligner parce que c'est des gens très, très installés, très reconnu, qu'aurait pu dire, mais nous, on se mêle pas de ça, c'est un tueur de flic, en plus un apache, puisque à tort, il a été dit être un apache. Mais, alors, ça, c'est l'exécution de Liabeuf, dessinée par Gassier, et il est mort en criant « Je ne suis pas un souteneur ». Et ça, c'est la une de la guerre sociale. Alors, on en a eu plusieurs, hein, parce que la campagne de presse a duré longtemps. Donc, vous voyez la mort d'un brave, du couteau de Deblair. C'est Deblair, c'est le bourreau, hein, donc c'est la guillotine. Au couteau de Caserio. Caserio, donc, a tué avec un couteau Sadi Carnot. Et l'article appelle à ce qu'il y ait de nouveaux Caserio qui se dressent pour tuer les responsables de la mort de Liabeuf. Donc Almereda va vraiment jeter toutes ses forces dans la bataille. Gustave Hervé aussi, parce que pour le premier article qui prenait sa défense, où il disait le courage de la page, parce qu'à l'époque, Hervé, et peut-être aussi c'était pour faire vendre, je ne sais pas, pensait que Liabeuf était plus ou moins un apache, mais qu'il avait été courageux en tant que policier, etc. De fait, c'était un ouvrier régulier, hein, qui n'avait rien d'un apache, peu importe. En tout cas, pour cet article, il aura été condamné à 5 ans de prison et il va en faire 4. Il va vraiment payer très très cher pour la défense de Liabeuf. Et cette fois, dans son procès, il y a eu beaucoup de témoins pour le soutenir, dont Rochefort, toujours au nom de la liberté d'expression, mais ça ne marchera pas tellement là. Il n'y aura pas de grâce. Et donc, on en est là. Alors, cette détention un peu longue va changer pas mal Hervé. Donc on est en 1910 parce que ça va un peu le déconnecter des affaires, malheureusement. Et en octobre 1910, il va y avoir la grève des cheminots. Alors, la grève des cheminots, c'était un peu la pièce maîtresse du dispositif de grève générale dans laquelle tout le monde se projetait. Enfin, en tout cas, la guerre sociale se projette dans un scénario de grève générale. Il faut... Si on arrête les flux, même si tout le monde n'est pas en grève, finalement, tout le pays sera paralysé. Donc, on met beaucoup d'espoir dans la grève des cheminots. Or, cette grève est un échec. C'est un échec parce qu'elle est très, très réprimée. Donc, il y a plus de 3000 révoqués, 133 emprisonnés. Bon, il y a un ordre de mobilisation des cheminots, ce qui fait que, s'ils ne se rendent pas sur le lieu de travail, ils peuvent être considérés comme des soldats déserteurs. Et donc, évidemment... Ça va entraîner une reprise du travail, par crainte. Et du coup, il y aura beaucoup d'actions de sabotage, parce que la grève étant interrompue par la répression, les cheminots vont saboter, à qui mieux, les lignes, etc. Et la guerre sociale va faire l'éloge du sabotage, colonne après colonne, numéro après numéro, et bien sûr, Almereda et Eugène Merle vont être accusés de provocation directe au crime de meurtre, pillage, incendie et entrave à la circulation des trains. Ils vont être arrêtés et faire 5 mois de préventive. Et on va même accuser Almerida, mais il n'y aura aucune preuve d'avoir, c'est même complètement fantaisiste, parce qu'on dit que c'est lui qui a fait tous les sabotages. Enfin, on imagine se déplacer d'une de chemin de fer à l'autre, c'est hallucinant, mais il est accusé de ça. Alors il va sortir au bout de 5 mois, il y aura un non-lieu hein, en fait, parce qu'on ne peut rien prouver contre eux. Et en sortant, il va créer un service de sûreté révolutionnaire, le SSR, pour démasquer les agents infiltrés et les provocateurs. Et il va séquestrer deux syndicalistes qui en fait travaillaient pour la police. Il va les séquestrer dans les bureaux de la guerre sociale, les faire avouer, bon, sans les torturer, hein, mais en les malmenant un peu quand même. Et il leur fait répéter leurs aveux devant une conférence de presse qu'il organise dans les locaux de la guerre sociale. Et bien sûr, pour ça, ils vont être inculpés, parce qu'ils vont séquestrer des personnes. Mais le procès va complètement retourner les choses en faveur d'Almerida, parce que Métivier va avouer avoir été recruté directement par les services de Clémenceau, avoir même eu un échange direct avec Clémenceau et avoir eu non seulement pour mission d'espionner et de rapporter propos, mais de jouer l'agent provocateur. Et ça ne plaît pas du tout au jury, qui finalement acquitte Almerida et même le félicite, c'est-à-dire il sent ovationné par le jury de ce procès, où il a été particulièrement évoqué. Mais, j'arrive bientôt à ma fin, ne vous impatientez pas, là on rentre dans la mauvaise période, alors j'ai pas hâte d'y arriver. En fait, après cet échec, Almerida, Hervé et d'autres vont se dire, on ne fera pas de révolution sans parti révolutionnaire, donc ce qu'on a fait au niveau de la guerre sociale, il faut le faire au niveau d'un parti. Mais ça va être un échec, parce que les socialistes insurrectionnels, ils sont quand même à la SFIO. Et Jaurès leur donne une place, tout de même. Et ils se disent, bon, ben, quitter cette grande organisation de masse pour un parti qui n'existe pas encore, bon, ils sont réticents. Ils disent, on partira quand le parti existera, bon, ben, voilà. Les anarchistes disent mais c'est un projet autoritaire, ils n'ont pas trop envie d'y aller, ils se méfient à juste titre peut-être d'Almerida, parce qu'Almerida a un côté blanquiste vraiment, hein, il est blanquiste en fait, et un peu autoritaire, donc ça leur plaît moyen, et les syndicalistes disent de toute façon c'est la CGT, le véritable parti des travailleurs, on n'a pas besoin d'un parti en plus, donc l'organe de presse oui, un parti non, finalement ça ne se fait pas. Et du coup, la guerre sociale va se réorienter et elle va plaider pour ce qu'elle appelle le désarmement des haines. Alors, désarmement des haines, pas entre le patronat et la classe ouvrière, bien sûr, mais entre syndicalistes et socialistes. Et socialistes, y compris réformistes. Donc, il faut arrêter, on embrouille la classe ouvrière par ces campagnes, et on dépense une énergie folle à se combattre les uns les autres. Donc voilà, faisons du Parti Socialiste notre allié plutôt que notre ennemi. Et ce retournement de ligne va être très mal perçu par les lecteurs qui vont les traiter de renégats. Ça va s'envenimer et Almerida, notamment, va essuyer la colère. Bon, il n'est pas aimé pour des tas de raisons. Pour son côté, notamment dandy, son élégance, tout ça, agace. Et on dit oui, c'est ça, ce que vous voulez, c'est finalement avoir des mandats de député, ce qui est complètement idiot parce qu'Hervé a toujours refusé. Il aurait été élu haut la main n'importe où, le moindre mandat de député. Il est vraiment anti-parlementaire, il est resté à la SFIO, dans le pôle insurrectionnel. Mais bon, ils sont accusés d'arrivisme. Et finalement, ça va devenir terrible. C'est-à-dire, chaque fois qu'Almerida ou Merle ou Hervé parlent lors d'une réunion publique, ils sont insultés, voire frappés. Almerida va être même frappé à l'œil, il va manquer perdre un œil. On lui enfonce une canne dans l'œil le jour de la commémoration de l'assassinat de Ferrer, alors qu'il a quand même été un des grands artisans de la mobilisation pour Ferrer, et devant sa fille Trinidad, qui est aussi insultée d'ailleurs. Les mœurs, ça n'a pas changé d'ailleurs. Hein. La violence, des fois, entre militants, c'est quand même assez consternant. Et c'est terrible. Et du coup, en fait, ils sont tellement écœurés qu'ils vont adhérer au Parti Socialiste. Hein. Et donc, cesser d'être des libertaires. Les libertaires de la guerre sociale, parce qu'à l'intérieur de la guerre sociale, il y avait ceux qu'on appelait les libertaires. Et parmi eux, il y a Merle Almereda, donc qui n'était pas dans une organisation, qui n'en avait même pas à l'époque, mais qui était identifié comme libertaire, vont rallier le Parti Socialiste. Alors ce qu'ils font, c'est de l'entrisme en disant, puisqu'on ne peut pas contrer le Parti Révolutionnaire, on rentre à la SFIO et on va la faire évoluer vers la révolution, l'insurrection. Mais vous savez ce qui se passe quand on fait de l'entrisme, c'est toujours le contraire qui se passe. C'est-à-dire, c'est eux qui vont glisser vers le réformisme et pas la SFIO qui va devenir révolutionnaire. C'est vraiment ça qui va se passer. Alors, c'était cousu de fil blanc. La dernière période, réformiste 1913-1917, là, Miguel Almereda et Merle voient bien, ils sont plus perspicaces, plus malins qu'Hervé, que la guerre sociale, avec toute sa gouaille, son espèce de radicalisme outrancier, n'a plus de raison d'être. Ils sont tous à la SFIO. Le journal qui voulait fédérer syndicalistes, libertaires et socialistes doit se dissoudre en quelque sorte. Et eux, ce qu'ils vont faire, c'est de le quitter. Ils vont quitter la guerre sociale et ils vont d'abord travailler dans un organe qui s'appelle le Courrier européen. Mais ils vont surtout fonder leur propre journal. L'un et l'autre ont pris le goût du journalisme. S'ils ont envie de faire du journalisme, ils ont envie de beaucoup plus parler de culture. Ils sont l'un et l'autre passionnés, ça on le voit bien dans les lettres à Hotz, par la peinture, le théâtre, la danse. Ils ont vraiment une très très bonne culture. Et ils n'ont pas un spectacle, par exemple. Ils ont vu tous les spectacles de Nijinsky qui les fascinent. Et ils souhaiteraient un journal qui donne toute sa place à ça. Et ils vont fonder le Bonnet Rouge. Hop. Ah ben, alors ça, c'est Miguel. Alors, pourquoi j'ai mis sa photo là? Ben, c'est au... Photographie, oui, voilà. C'est au moment où il glisse sur le réformisme. Et vous voyez qu'il a... Là, c'est vraiment le dandy, quoi. Là, il a les moyens de l'être. Bon, il est très beau, de toute façon. Il a une beauté hors du commun. Et il sait la mettre en valeur. Alors, ce sera le Bonnet Rouge, ça c'est le premier numéro, illustré par de nous, voilà, qui donne une large place au dessinateur, et il va donner sa chance à des tout nouveaux dessinateurs, dont Nam. Et là, c'est le premier numéro, donc c'est la satire qui coiffe le Bonnet Rouge et le félin. Moi, je disais que c'était un tigre, on m'a dit que c'était un léopard, c'est vrai. C'est pas un tigre, mais pareil, représenterait le Clémenceau. Oh, ça n'arrive pas, hein. Voilà, pas ça n'arrive pas. Et ce journal va avoir une ligne politique qui d'abord défend la guerre approche. Hein. On est en 1913, il y a quand même les bruits de bottes. Elle défend le rapprochement franco-allemand en disant qu'il faut supprimer, affaiblir en tout cas la relation avec la Russie, ce lien avec un régime, le tsarisme, un régime autoritaire, autocrate, qui va nous entraîner dans la guerre, c'est évidemment ce qui s'est passé, et se rapprocher de l'Allemagne, parce que le danger de guerre, il est avec l'Allemagne. Donc il faut favoriser, de toutes les manières possibles, le rapprochement franco-allemand, former un bloc des gauches, parce que quand même la réaction redresse la table, l'action française est très forte à ce moment-là. Et donc, il préconise, c'est très réformiste, hein, un bloc parti radical, radical socialiste et parti socialiste, en vue des élections législatives du printemps 1914, stratégie payante, puisqu'en effet, ils vont rafler la mise à ces élections-là, et accorder, comme je vous l'ai dit, beaucoup de place aux rubriques culturelles. Et puis, les événements se précipitent. En juillet 1914, vous avez des très jeunes révolutionnaires serbes de Bosnie, enfin ce sont des Serbes de Bosnie, donc des Bosniens, tout jeunes, hein, ils ont entre 16 et 19 ans, qui organisent et réussissent un attentat contre l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie. Je dis un mot sur ces garçons qui sont des garçons extrêmement attachants. C'est un peu la même jeunesse que la jeunesse de Montmartre libertaire de cette époque, c'est-à-dire ils passent leur temps à réciter des poèmes, ils sont habités par les gestes révolutionnaires, ils connaissent des poèmes du monde entier, Whitman, des poètes français, des poètes serbes, ça manque pas, etc. Et ils vont courageusement mener cet attentat. Donc Gavrilo Princip, à 19 ans, va être enfermé dans une forteresse non chauffée et il ne peut pas être condamné à mort parce qu'il est mineur, mais on va lui couper progressivement les bras qui sont gangrénés par le froid, la maladie. Enfin, voilà, c'est des gens sur lesquels on raconte souvent des bêtises en les traitant de nationalistes. Ce qu'ils n'étaient pas, ils étaient pour une fédération des Slaves du Sud, c'est-à-dire l'équivalent de la Yougoslavie, c'est pour ça qu'ils se battaient, et surtout ils se battaient contre un colonisateur qui est l'Autriche-Hongrie, après avoir repoussé les Ottomans qui étaient l'autre colonisateur. Bref, c'est pas mon sujet, mais quand même je voulais en dire deux mots pour leur rendre leur dignité. Et puis, effectivement, cet attentat, ça va entraîner une réaction de la Serbie qui est alliée à la Russie, la France est alliée à la Russie, et ça va précipiter tout le monde dans la guerre. Jusqu'au bout, Jaurès va essayer de... Enfin, le gouvernement français, Jaurès, mais aussi ceux qui sont au pouvoir à ce moment-là, vont essayer de calmer la Russie en disant « ne mobilisez pas », etc., mais rien n'y fait. Du coup... la France est précipitée dans la guerre et il y a quand même un événement qu'on se dit chaud, mais pourquoi ils ont retourné leur veste? Ben, ils ont retourné leur veste parce que la Belgique, pays neutre, est envahie avec une brutalité extraordinaire. Il y a 6000 civils tués dans des conditions abominables, dont certains brûlés vifs quand même, par l'armée allemande. Hein, c'est pas la deuxième, c'est la première, mais ça n'a pas été joli l'invasion de la Belgique. Les bibliothèques mises à feu, etc., qui vont être brûlés, donc ils sont bientôt à 25 km de Paris. Qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas. Donc Almeredin dit il faut qu'on fasse des milices d'autodéfense, mais c'est ce qu'ont fait les Belges, en gros, parce que les Belges, ils ont essayé de se défendre. C'est un pays neutre, de toute façon, on ne pouvait pas mobiliser une armée, et ils l'ont payé cher, parce que les Allemands, du coup, tiraient sur les civils en disant c'est des francs-tireurs, donc ils vont faire la même chose en France, donc bah, rejoignons nos régiments. Puis Jaurès s'est tué, alors ça ajoute à la panique. Et Almeredin va faire quelque chose. Il est au mieux, ça en dit long sur son réformisme, il est au mieux avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, le jeune Louis Malvy, qui est un radical socialiste, un garçon assez sympathique pour un ministre de l'Intérieur, en tout cas. Et il va obtenir de Malvy qu'il n'applique pas le carnet B. Le carnet B, c'est la liste de tous les individus à incarcérer en cas de mobilisation. Donc dedans, il y a un bon paquet d'anarchistes et de syndicalistes, tous ceux qui pourraient faire obstacle à la mobilisation. Et Almeredin lui dit « Ne faites pas ça, parce que vous allez fractionner la classe ouvrière, tandis que si vous lui faites confiance, vous verrez, elle saura jouer son rôle patriote, etc. » De fait, il y a quand même quelques anars isolés, mais justement pas des personnages de premier plan, qui vont être incarcérés pendant un certain temps, notamment des gens qui avaient été liés de loin à la bande abolie. Bref, ouais, c'est anecdotique parce que globalement, le carnet B, en effet, n'a pas été appliqué. Donc, il fait partie, le bonnet rouge suit le mouvement de l'Union sacrée, il passe de cette belle formule hebdomadaire à un quotidien, assez terne, je dois dire. Moi, je l'ai lu avec beaucoup d'ennui. Almeredin n'est pas bien dans son rôle là-dedans. Donc, ses articles deviennent ternes, pas très intéressants. Bon. Mais de fait, à partir de 1916, alors que la guerre s'enlise, il y a de plus en plus de voix qui se font entendre en faveur d'une paix blanche. C'est-à-dire, on arrête tout. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Et on arrête, pourvu que cette hécatombe cesse. Et Almeredin va beaucoup leur donner, c'est un peu le seul journal à leur ouvrir les colonnes de la presse, hein, parce que les autres journaux, même l'Humanité, ne le font pas. Et donc, il va être accusé par l'Action française de recevoir des fonds allemands en échange de cette propagande pour la paix. Et l'Action française enquête sur lui, dit regardez, il vit à tel endroit, il a une bonne, ses costumes valent tant, il a une maîtresse, bien sûr c'est l'Allemagne qui paie, etc. etc. Et en plus, il a quelque chose, c'est qu'il est atteint de troubles, de calculs rénaux, et à l'époque c'est très difficile d'en venir à bout, il n'y a pas tellement de méthodes pour dissoudre les calculs rénaux, et de divers ennuis de l'appareil digestif. Donc il souffre intensément et du coup il est sous morphine. Et le recours à la morphine comme médicament va le transformer en morphinomane. Il est rentré par la porte de la douleur dans l'addiction, on peut dire. Hein. Mais c'est comme ça. Donc ça aussi, évidemment, c'est dénoncé par l'Action française. Et la morphine, ça coûte cher. Donc comment se procure-t-il ? Alors, il y a des articles ignobles, et c'est chaque numéro, j'ai eu le courage de lire tous les numéros de l'Action française, et c'est vraiment un égout, un véritable égout. Alors on lui reproche bien sûr son séjour à la Petite Roquette, ancien claque savate de la Petite Roquette, chimpanzé noceur, enfin, des choses abjectes. Et puis arrive 1917, qui est une année terrible sur le front, les premières mutineries. On fusille des soldats qui refusent de retourner au combat. On réprime les grèves et les manifestations des ouvrières. Il y a beaucoup de grèves à ce moment-là, des ouvrières parce que c'est les femmes qui sont à la production et de l'armement, mais aussi tout ce qu'on appelle les midinettes parce que les salaires sont très bas. Les salaires féminins étaient très bas, ils n'augmentent pas avec la guerre et ils n'ont jamais permis à une femme de subvenir même à ses propres besoins d'une seule personne, et encore moins si elle avait des enfants, à moins qu'elle double sa journée de travail. Mais ce n'est pas possible. Et là, il n'y a plus d'argent qui vient des hommes, et le bonnet rouge se bat pour défendre les salaires des femmes, pour obtenir que les petites pensions que touchent les femmes de soldats sont aussi versées aux femmes non légitimes, aux compagnes, parce que bon, dans la classe ouvrière, il y a énormément d'unions libres, et elles y ont pas droit. Donc le bonnet rouge veut obtenir ça. Bon, c'est des combats peut-être mineurs, mais c'est des combats qui comptent. Et donc 1917, il y a ces grèves, il y a ces mutineries, donc il va y avoir un travail d'espionnage de la population. On encourage vraiment la délation d'une manière éhontée, hein. Et il y a des lettres, ce serait très intéressant qu'un étudiant en histoire s'en occupe. Il y a des cartons entiers à préfecture de police de lettres de dénonciation d'un commerçant qui va désigner un rival en disant oui, il a dit que la France allait perdre. Une bonne, j'ai trouvé une lettre d'une jeune domestique qui dit: oui, à table, monsieur dit toujours qu'on va perdre la guerre. Eh bien, en fait, en temps normal, le témoignage d'une domestique comme ça, ça aurait pas... Bon, et ça, apparemment, c'est des grands bourgeois, vu la description de l'appartement. Eh bien, ils sont perquisitionnés, interrogés, et c'est parce que leur fils a devancé l'appel et parti se battre que finalement, ils en réchappent. Mais c'était dingue, hein. Tout le monde dénonce tout le monde. Et il y aurait de quoi faire de travailler sur ce... Moi, j'ai pas envie, mais c'est quand même un sujet intéressant. Et oh, ça a existé dans d'autres pays, à mon avis. Et c'est dans ce contexte que un collaborateur du bonnet rouge va être arrêté à la frontière suisse avec un chèque d'un banquier allemand qui s'appelle Marx d'ailleurs. Et en fait, ce collaborateur du bonnet rouge n'est pas quelqu'un de très intéressant. Il s'appelle Duval. Il est lié à tout ce milieu là du viticole et tout ça. Je vais mettre le comédien. Et en fait, il était en affaires. Ils avaient fondé une compagnie de bains de mer près d'Istanbul, et avec des fonds allemands, français, enfin, un truc immobilier. Et il faut qu'il rembourse les actionnaires français. Donc, en fait, Marx lui fait un chèque pour ça. Et c'est pas du tout pour financer le bonnet rouge. Mais du coup, il est arrêté. Et puis, dans la foulée, ils vont tous être arrêtés. Il y a la célèbre apostrophe de Maurice Barrès à l'Assemblée qui dit « Quand arrêterez-vous cette canaille du bonnet rouge ?» Ces canailles du bonnet rouge. Et finalement, ils vont tous être arrêtés. Miguel est arrêté le 6 août 1917. Il est dans un état, au moment où il est arrêté, il est vraiment au bout de sa vie. Il est très très mal. Il ne peut même pas tenir debout une heure d'affilée. Et il est immédiatement transféré du coup à l'infirmerie de Fresnes. Il ne peut pas être mis à la santé. On dit qu'il faut l'envoyer à Fresnes pour le soigner. Et là, dans la cellule de l'infirmerie, il va mourir étranglé avec un bon... Le détail est un peu sordide. Il va s'étrangler au montant de son lit avec ses lacets de bottines qui auraient dû être confisqués, normalement. Parce qu'on confisquait toujours les lacets de chaussures, justement pour éviter le suicide. Que Jean, le petit Jean, lui avait acheté le jour même. Il avait envoyé son fils acheter des nouveaux lacets. Non, mais je dis ça, mais il a toujours porté la culpabilité. Parce que c'est dans la presse qu'il a lu ça, Jean Vigo. Il avait 12 ans. Ah merde, ben c'est des lacets que j'ai achetés à papa qui ont servi à... Voilà, bref. Et il a 34 ans, suicidé ou assassiné. Alors la thèse de l'assassinat, elle est évidemment activée par l'Action française qui dit, ah ben vous voyez, la preuve c'est un espion. C'est qu'il a été assassiné par Caillot, Joseph Caillot, qui est en fait l'espion en chef. Lui, c'était qu'un soufi, c'était pour pas qu'il parle, etc. Et quand on tourne ça dans tous les sens, en effet, les seuls qui auraient pu l'assassiner, c'est des gens qui auraient voulu l'empêcher de parler. Mais si on voulait l'empêcher de parler, ça aurait été qu'il était un espion, à mon avis. Et ça, j'en suis certaine, il n'était pas du tout un espion. Et il n'y a pas de sens à un assassinat, il n'y en a pas. Il s'est probablement suicidé parce qu'il souffrait énormément, qu'on l'a privé de morphine en plus, donc il a souffert du manque, premièrement. On ne peut pas sevrer quelqu'un brutalement de morphine, et en plus, il en prenait depuis des années, et en plus, il n'avait plus rien pour soulager ses douleurs. Et quand on lui a ouvert le ventre, il avait un litre de pus dans l'abdomen. Un litre de pus. Donc, de toute façon, il serait mort. Bon, voilà, Miguel est mort. Reste Jean Vigo, qui a 12 ans, qui perd un père qui... Sa mère, entre-temps, a un amant marseillais et corse, d'ailleurs, bon, elle s'occupe plus trop de lui. Et je vois, parce que dans les jours qui suivent, les rapports de police disent « Tiens, le petit Vigo, il est chez un tel, en fait, chez les collaborateurs de son père, ceux qui n'ont pas été emprisonnés. » Et Gabriel Aubès va demander au juge qui s'occupait de l'affaire de Miguel de lui confier la garde de l'enfant. Le juge va accepter. Alors, il connaissait bien Jean, parce que Miguel, qui était tout le temps envoyé par Mont et par Vaux, souvent envoyait, pendant les vacances en tout cas, envoyait toujours Jean chez Gabriel, qui vivait, tout bien, tout honneur, avec sa nièce, donc qui l'aidait, qui était aussi son assistante, et qui s'est extrêmement attachée à Jean. Et donc, voilà, c'était sa famille, quoi. Même si ce n'est pas sa famille biologique, c'est vraiment la famille la plus proche du petit. Mais alors, tenez-vous bien, la haine qui entourait Miguel Almereda, le traître Vigo, on ne parlait que du traître Vigo, hein, tous les journaux sont contre lui, était telle qu'on a dû lui donner un nom d'emprunt, parce que l'enfant risquait d'être tué ou défiguré, en tout cas agressé, mais même tué, on craignait pour sa vie, donc il fallait, ils l'ont caché, d'abord ils l'ont reçu, entre-temps ils habitaient Montpellier et Pucelle. Il l'a caché, le temps de le soigner, parce qu'il est tombé gravement malade, sûrement avec le choc émotionnel. Et dès qu'il a été remis, il ne pouvait pas le garder à Montpellier. Donc il l'a mis en internat à Millau. Le directeur connaissait l'identité de Jean Vigo, mais pour les petits camarades, il s'appelait Jean Salès. Donc il lui a donné le nom de la mère de Miguel, de sa grand-mère maternelle. Donc. Et en grandissant, Jean Vigo, à cette époque, lit la presse. Hein, et c'est terrible pour lui, parce que son père est très né dans la boue, mais à un point incroyable. C'est une douleur énorme pour un enfant qui, en plus, vient de perdre un père qui a été adulé par le Paris révolutionnaire et qui, tout à coup, est devenu un moins que rien. Et en grandissant, il se jure de défendre la mémoire salie de son père. Et il va reprendre, donc, vers l'âge de 18-19 ans, contact avec tous les anciens amis de son père, tous ceux qui l'ont connu enfant, adolescent. Et il a ses lettres, il garde un brouillon et les réponses. Et tout ça, je l'ai eu dans les archives de Luce Vigo. J'ai appris énormément de choses, que je peux vous dire aujourd'hui, grâce à tous ces courriers, qui miraculeusement ont été gardés, puisque le pauvre Jean est mort à 29 ans de la tuberculose. Il est devenu donc une figure majeure du cinéma français. Et son tuteur a gardé toutes ses archives et les a données à Luce, la petite fille qu'il aura eue avec Lidou, Luce Vigo, quand elle a atteint la majorité. Elle conservait tout dans une grande malle. Et même ses enfants n'ont jamais pu voir ce qu'il y avait dedans de son vivant, parce qu'elle était... C'était son père, quoi. Il y avait un rapport avec ça qui était très, très douloureux. Et parmi, évidemment, les films de Jean Vigo, celui qu'on connaît le mieux, c'est Zéro de conduite, qui, finalement, est le récit d'une mutinerie d'enfants d'un internat, d'une pension. Et ça emprunte beaucoup, à la fois à ses souvenirs d'internat et à la petite Roquette. Il a superposé bien l'internat de Millau, comme tous les internats à l'époque, c'était rigoureux comme régime, qu'ils soient laïcs ou religieux, c'était du pareil au même. Les enfants n'étaient pas trop choyés, mais bien sûr, ça n'a rien à voir. Enfin, ils n'étaient pas du tout traités de la même manière, mais il y a des sortes de superpositions. Et c'est l'histoire d'une mutinerie, et la dernière scène... Ah ben zut. Voilà, il monte sur le toit avec ses drapeaux pirates et il chante une chanson avec un grand couteau. Et c'est un peu la revanche. Pour moi, j'y vois la revanche des enfants martyrisés, des enfants de la petite Roquette, puisque les révoltes de prisonniers, c'était souvent une montée sur le toit. Donc voilà, c'est pas un hasard. Et l'œuvre de Vigo, tellement subversive et nourrie de toute cette enfance, un enfant vraiment. Qui a grandi au milieu des révolutionnaires. Bon, ben voilà, je m'arrête. Alors, merci Anne pour... J'étais un peu longue, mais... Il y a beaucoup de choses, c'est une vie très riche. J'espère que si vous voulez en savoir plus, vous lirez quand même son bouquin, parce qu'elle n'a pas du tout vous dire. Donc, il y a quelques exemplaires du livre, vous verrez directement avec Anne. Après, le bouquin qui reste, ça, par contre, c'est aussi rare. Vous pouvez poser tout... Marc a trouvé un bouquin sur Aristide Delannoy. Il y a une reproduction qui est plus jolie. Je ne sais pas que c'est qu'elle est précise, quand même. Effectivement, on voit un beau crâne de mort avec une moustache. Ouais, c'est pas mal, dans son genre. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. On a le temps. De toute façon, on ne ferme pas tout de suite. Je vais regarder qui veut parler. Alors, jeune homme là-bas. Hop, jeune homme. D'abord, merci de vous plonger dans la trajectoire de ce personnage. Et puis, dans l'époque, au-delà du passage, vraiment, on a appris beaucoup de choses. J'ai une remarque d'abord sur. Très intéressant sur la milice qui fonde pour lutter contre les camelots. Je pense que c'est au-delà du modèle des calmes du roi, de la réponse aux calmes des rois, c'est un modèle blanquiste complètement. C'est déjà comme ça que les escouades, à la fin du Second Empire, les blanquistes s'organisent par groupe. C'est décrit Alexandre Zébaès, c'est vrai qu'il décrit. Oui, c'est vrai que c'est un modèle plutôt. Donc peut-être qu'il a cette phrase, c'est une hypothèse. En effet, les jeunes gardes combattaient la police dans les manifestations aussi. On avait les deux. Mais explicitement, dans un texte, il dit on va s'armer comme eux. Ils avaient des canépés, des pistolets aussi, des Browning, etc. Mais bien sûr que c'est une organisation blanquiste. Tu as raison. Et comme ton autre terrain d'exploration, ça a été les anarchistes individualistes, les Angevins, et c'est la même époque, donc il y a forcément, à un moment donné, et notamment dans les milieux antimilitaristes, puisque les gens d'anarchistes sont très investis dans les réseaux antimilitaristes, quels sont leurs rapports? Ils sont mauvais, très mauvais. C'est bizarre, je suis passée d'un camp à un autre. Mais ils sont très mauvais, et d'ailleurs Libertad participe au congrès de 1904 avec d'autres individualistes, mais ils vont quitter très vite l'organisation parce que ce que veulent les individualistes, dans une logique individualiste, c'est d'aider les déserteurs, quoi. D'organiser des réseaux d'aide aux déserteurs, etc. Et c'est pas du tout ce que veut Almereda et les autres, que veulent Almereda et les syndicalistes, c'est que chaque conscrit n'oublie pas qu'il est un travailleur, donc continue à être membre du syndicat et politise ses camarades autour de lui. C'est ce que faisaient les trotskistes avec les comités de soldats. Faux, des comités de soldats. Hein, tu te rappelles des choses, bon, alors que les anards ne voulaient pas de comité de soldats, ils ne voulaient pas d'armée du tout. Donc c'est deux logiques différentes. Et du point de vue antimilitariste, en tout cas, Libertad va bientôt claquer la porte en disant de toute façon vous êtes des poltrons, c'est pour ça que vous ne voulez pas. Vous n'avez peut-être pas tort. Vous ne voulez pas aider les déserteurs et nous, on n'a rien à voir avec votre organisation. Et puis, plus généralement, ils sont pas sur la même longueur d'onde. Alors, c'est lui qui va écrire la notice nécrologique de Libertad dans la guerre sociale, Miguel. Il va rendre hommage à certaines qualités de Libertad, etc., mais voir montrer aussi tous ses travers. Alors, par contre, il a eu des rapports assez chaleureux avec Anna Mahé, mais justement, c'est quand Anna Mahé passe de l'anarchisme individualiste à la tendance plutôt communiste libertaire. Voilà. Et comme ça, je termine ma question. L'autre aspect, c'est que tu n'as pas évoqué, mais qui est dans ton livre, c'est le tirage de. Ça reste encore un peu mystérieux. Le tirage du bonnet rouge est colossal pour l'époque, pour un titre d'extrême gauche. Il est à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, je crois. Oui, alors le bonnet rouge quotidien, mais il n'est plus d'extrême gauche. Oui, il n'est plus d'extrême gauche. C'est le journal de gauche du soir, puisqu'il n'y en avait pas du soir. Donc ça pose aussi la question des fonds, quoi. Alors il y a quand même Caillot derrière, ça on peut le dire. Il y a Joseph Caillot qui a beaucoup subventionné, bien que les deux hommes ne s'aiment pas tant que ça. Alors Caillot, vous voyez qui c'est, hein, radical socialiste, qui serait devenu président du Conseil, qui a été ministre des Finances, qui a voulu imposer un impôt sur le revenu, et ça, s'est mis aliéner la droite, l'extrême droite, d'une manière obsessionnelle, hein, on peut dire, hein, vraiment, il a été haï pour ça, et le Figaro a fait une campagne de presse contre lui, totalement ordurière, numéro après numéro. À un moment, a utilisé une correspondance privée parce que il avait eu des relations extra-conjugales avec sa femme avant de se marier avec elle, alors qu'ils étaient l'un et l'autre mariés au fond de l'histoire, comme ça. Et là, Madame Caillot est tellement révoltée qu'elle s'arme d'un brownie qu'elle met dans un joli petit manchon en fourrure. Elle se fait déposer au siège du Figaro. Elle demande une interview avec Calmette, qui la reçoit quand même, la femme d'un ministre. Et là, elle sort son brownie, elle la bat. Et elle est acquittée. Hein. Acquittée parce que c'est considéré comme un crime d'honneur. Il y a encore la notion de crime d'honneur en France. Et or, Madame Caillot a été atteinte dans son honneur. Bon, elle s'est vengée, on peut le comprendre, elle est acquittée. Voilà. Et en fait, Miguel a vraiment pris... Alors, prendre parti de Madame Caillot, est-ce que c'est par flagornerie pour Joseph Caillot? Je crois pas. Je crois qu'il aime le geste aussi et qu'il déteste le Figaro. Bon. Mais de fait, ça lui sera royalement payé. Hein. Donc Caillot, il abonde hein, des fonds, mais ça suffirait pas. Et donc il y a en effet les fonds du syndicat des vins et alcools qui va financer à un moment, ils sont en difficulté financière. Quand le gouvernement donne des subventions au bonnet rouge, quand la guerre éclate, il en donne à tous les journaux. Donc des fois, on met ça en exergue, mais ce n'est pas singulier. Tous les journaux ont été soutenus parce qu'évidemment, ils ont perdu leurs lecteurs, puisque les hommes sont au front. C'est le lectorat des grands journaux, il est surtout masculin et relativement jeune. Donc, et plus que féminin. Et donc tout. Et puis bon, les femmes, comme je vous l'ai dit, elles avaient déjà beaucoup de mal à vivre. Donc, acheter un journal tous les jours, ça prend sur un budget hein, aussi. Oui, bon, elle savait lire hein, quand même, globalement. Oui, mais il y avait quand même un taux d'alphabétisation qui avait bien grimpé depuis 86. Mais il y avait moins de lectrices que de lecteurs, et puis il n'y avait pas d'argent pour ça, ni de temps d'ailleurs. Et puis pas l'habitude. Elle lisait d'autres types de journaux. Et du reste, ça c'est une bonne question parce que. Miguel va tout le temps plaider pour que les femmes lisent plus et lui dit, mais si vous voulez que les femmes lisent nos journaux, qui sont quand même chiants, il faut aussi qu'il y ait des femmes qui écrivent. Et il va, et là-dessus, il vient plus évoluer qu'Hervé, hein, qui, à part Madeleine Pelletier, il y a la citoyenne Sorgue, fait pas rentrer de femmes. Lui, il va faire rentrer Fanny Clat, notamment, et il va dire faut des femmes journalistes, parce que sinon, pourquoi voulez-vous que les femmes lisent des journaux faits par les hommes, pour les hommes, et en plus, ennuyeux à lire. Surtout merde, d'ailleurs. Bref. De fait, comme il n'y a plus de lectorat, on donne des fonds aux journaux. On en donne au Bonnet Rouge. Mais en 1916, quand il donne la parole aux pacifistes, il donne même la parole à Romain Rolland, quelle personne ne veut donner la parole. Hein. Romain Rolland qui ne sera pas très reconnaissant, parce qu'il n'y a pas un mot dans ses mémoires sur Miguel, mais enfin, passons. Et eh bien, il va être à court d'argent. Et il va être sollicité, du coup, à ce moment-là, par des gens qui vont prendre petit à petit un peu de pouvoir dans le journal, et dont un certain Marion, qui est aussi travaille pour le syndicat des producteurs d'alcool. Et du coup, Miguel, qui fait partie encore d'ailleurs de la Ligue anti-alcoolique, et qui, comme les révolutionnaires de son époque, quand même, combat l'alcoolisme dans la classe ouvrière, va faire des articles pour la défense de l'absinthe que le gouvernement vient d'interdire, et pour la défense des bistrotiers, puisque, etc. Donc, voilà, il touche de l'argent de cette sorte. Il intervient, comme je l'ai dit, il est au mieux avec Malvin, ministre de l'Intérieur, et à certains moments, il intervient en faveur d'industriels. Notamment, il y en a un qui a fabriqué un masque à gaz, qui est pas mal du tout. C'est aussi un homme qui, par ailleurs, est juif. Et il y a tous les industriels s'acharnent contre lui, il n'arrive pas à voir les marchés. Bon, il intervient pour qu'il ait le marché avec l'armée, et des choses comme ça. Il rend des services, quoi. Et il touche de l'argent de droite et de gauche, mais surtout par le syndicat des producteurs d'alcool. Et pas par l'Allemagne. Mais enfin, c'est évidemment pas joli, joli. Thierry. Oui, juste par rapport à ce qui se faisait à Marseille quand l'Association internationale anti-militariste des travailleurs, comme ouais. Il disait. En fait, à Marseille, le journal de l'AIA a été mis en page et imprimé à Marseille. Et à Mitterrand, il me semble qu'il écrivait. Dedans, avec. Oui, oui, et il y a même aussi déjà. Oui, j'aime bien. Voilà. Et justement. Lifteau. Ah oui. Et il y avait l'affiche rouge que tu as montrée, elle est aux archives ici, parce qu'il y a deux personnes qui se sont fait arrêter, qui sont allées en procès. Pour avoir collé l'affiche. Moshé en consenti, qu'il avait collé dans différents quartiers à Marseille et qui se sont fait. Oui, parce qu'il y avait une section à Marseille, c'est sûr. Oui. Il y en avait 93 en France, donc ouais. Ouais. Et Eugène Merck, tu parlais des prisons des politiques, des prisonniers politiques. Eugène Merck, dans ce que tu m'as envoyé. Les correspondances avec Hotz, ouais. Il nous dit clairement qu'il va certainement aller en prison quand il travaille justement dans la garde sociale, et que ça lui fait du bien, il est content d'y aller, parce que moralement, et surtout qu'il avait beaucoup d'argent, de problèmes d'argent, et il va pouvoir vivre tranquillement, réfléchir et pouvoir manger à sa faim. C'est assez percutant quand tu lis ce genre de courrier, parce que c'est pas ce que tu t'attends. Oui, c'est vrai que le régime de la santé pour les politiques était plutôt sympa. Et après, moi, ma question, donc du coup, c'était après quand il est mort, dans les milieux anarchistes, est-ce qu'il va y avoir une voix pour le défendre à un moment donné ? À quel moment ? Si oui, à quel moment ? Alors, on ne va pas le défendre, personne. Alors, il y a un peu quand même des gens qui vont lui rester fidèles. Il vient de perdre Dollier, qui était un ami qui venait de l'anarchisme individualiste, il est mort avant lui. Et après, des gens qui lui crachent qu'on pas dessus. Il y aura Francis Jourdain, Victor Méric et Henri Fabre. Voilà. Mais le soutenir vraiment. Et sinon, ils n'en parlent pas. Ouais. Non, soit on n'en parle pas du tout, soit on l'accable. Enfin, c'est terrible. Il est passé vraiment de la gloire à. Alors qu'il n'avait rien fait, quand même, de si rédhibitoire. Quoi. Et à son enterrement, il n'y a pas beaucoup de gens. Bon, il faut dire qu'il y avait eu une interdiction de rassemblement, mais j'ai la liste. Alors, rirait de Maître Jean est venu à son enterrement. Il avait eu une relation d'amitié avec. Il y avait une relation d'amitié quand même avec Rivette. Marc Rivette, je ne sais pas, elle devait aimer les enterrements, je la vois à tous les enterrements. Mais peut-être elle avait ce côté de rendre hommage à son fidélité. Je vais vous dire qu'il y a. Mmh. Alors, il y avait sa maîtresse, Émilienne, avec Émilie, la mère de l'un, Cléret, Cyrano, Bontemps, Dié, Fournier du Bonnet Rouge. Donc, parmi Fournier était anarchiste, Maurice Fournier. Il avait fondé une colonie libertaire en Corse, d'ailleurs. Il était né en Algérie. Un personnage intéressant. Il a rejoint le Bonnet Rouge. Henri Fabre, directeur des Hommes du Jour, lui, il est toujours resté fidèle. Henri-Pierre Gassier. Et puis c'est tout. Alors, il y a Séverine qui a dit un mot plutôt sympathique pour lui, mais bon, voilà, c'est tout. Faut dire que c'est aussi en pleine guerre. Hein. En pleine guerre, il y a plein de gens qui sont morts, il y en a qui sont sur le front, et sa mort, même, ne révolte pas autant qu'elle aurait pu révolter, la mort d'un prisonnier en prison, parce que c'est l'hécatombe. Ils meurent tous, il y a les frères Bonnef qui meurent, il y a tellement de gens. Voilà. Oui. Il a fait partie de la commission d'organisation des obsèques de Wiesenthal. Oui, en effet. Est-ce que vous connaissez qui était membre de la commission ? Est-ce qu'elle s'est réunie à Marseille, à Paris ? Et ma deuxième question, avec sa petite famille, ils ont vécu à un moment donné la même rue que Louise Michel, rue Polonceau. Ah oui, bah, parce qu'ils écumaient tout Montmartre. Il y a vraiment... Il a eu 30 adresses à Montmartre. Et là, la belle photo de Barcelone, 1909, vous l'avez trouvée où ? Bah, c'est une carte postale. Et parce que, justement, à l'époque, tous les événements politiques étaient photographiés par des agences, en fait, des fabricants de cartes postales qui les vendaient. Et tout était matière à carte postale. Et la moindre petite grève. Alors ça, c'est un ami collectionneur qui me l'a envoyé. Enfin, qui m'a envoyé en production virtuelle, qui ne m'a pas envoyé sa carte. Mais en fait, il y en a plein, quoi. Elle est superbe. Elle est superbe, oui. Bah, elle est parlante, quoi. Alors, la commission pour les obsèques. Alors, là, je sais qu'il en a fait partie, mais parce que c'était un membre de l'AIA, en tant qu'il venait de créer l'AIA, hein, donc... D'ailleurs, je me demande si Louise Michel n'avait pas adhéré à l'AIA. Elle avait adhéré. Et donc, c'est en tant que tel qu'il en a fait partie. Mais il y avait beaucoup de gens dans cette commission. Vous connaissez l'hôtel où elle a terminé ses jours en descendant les marches, les marches de la gare Saint-Charles, 19 boulevard du Gommier, trottoir de droite. Et c'est ça, c'est l'Oasis. Ça s'appelle l'hôtel du Vert. À l'heure actuelle, il y a déjà. Ah oui. C'est entre sex shop et. Oui, c'est à côté. À côté de la rue du Panneau, c'était juste avant la rue du Panneau. Dis-moi, tu sais ce que pense que Jean Vigo voulait faire de tous les témoignages qu'il avait recueillis ? Il voulait faire un livre. Il voulait écrire un livre. Au début, le but de Jean Vigo, c'était défendre la mémoire de mon père, montrer qu'il n'a pas touché l'argent des Allemands, qu'il... Et puis après, c'est devenu bien autre chose, parce qu'il a pris conscience aussi de tout ce qu'il avait subi comme mépris de la part des libertaires eux-mêmes. Donc il a voulu après témoigner de toute sa vie, de toute la vie de son père, et en faire un livre. Et il a été pris par... Il a heureusement consacré du temps à ses propres projets, heureusement pour nous. Ce qui vaut mieux qu'il ait fait des reconduites que ce livre que j'ai fait finalement. Parce que moi, j'aurais pas réussi à faire des reconduites. Et il y avait Fernand Desprez, qui était le parrain de Jean Vigo. En fait, quand il est né, ce petit bonhomme, eh bien, dans la chambre de Bonne où tout le monde s'est réuni, Miguel a dit à Fernand, tu seras le parrain, et à Jeanne Imbert, qui avait 13 ans à l'époque, tu seras la marraine. Et ils ont joué leur rôle, mais Jeanne Imbert l'a laissé tomber, et n'a pas toujours été tendre pour lui, tandis que Fernand, il a veillé sur cet enfant, et est devenu un adolescent, mais il lui écrit une lettre par jour, des fois deux lettres par jour, hein, c'est fou. Et il lui disait, mais arrête de perdre ton temps avec ça. Il trouvait que c'était malsain qu'il se retourne comme ça sur son père, il disait, fais ce que tu as à faire, fais des projets à toi. Bon. Arrête de ressasser tout ça, ça n'a pas d'intérêt, bon voilà. Mais par contre, tous les... Parce que quand ça rejoint ta question, d'autres questions qui m'ont été posées. Les amis de Miguel, même ceux qui en l'apparence l'ont lâché, ont tous été très bienveillants envers Jean, quand il a demandé des témoignages. Hein. Ils l'ont accompagné dans son œuvre cinématographique, par exemple, dans beaucoup de figurants des films de Vigo sont des amis d'Almereda. Par exemple, Fanny Clair et Raphaël Diligent sont figurants de la plupart de ses films. Il y a le fils de Merle qui est son assistant. Francis Jourdain qui a fait les décors de La Talente. Francis Jourdain, grand ami de Miguel et militant libertaire, le fils de l'anarchiste Franck Jourdain. Donc, il a eu comme ça une sorte de grande famille almérédienne autour de lui et de son œuvre. Et en fait, il voulait faire un livre et puis la maladie l'a pris, quoi. Il avait posé des jalons. Mais c'est ça qu'il voulait faire. Et moi, je vous avoue franchement qu'à certains moments, Miguel Almerda, j'en pouvais plus. Parce que moi, j'étais partie sur une recherche comme ça, d'un an, un an et demi, et je m'enlisais. Parce que quand on commence à mettre le nez dans les archives, c'est un puissant fou, quoi. Il y a des gens sur lesquels il n'y a pas assez de sources, mais lui, il y a des centaines de cartons où il apparaît de temps en temps, et j'en pouvais plus. Et là, on me donne l'adresse de son arrière-petit-fils qui m'accueille gentiment. Et quand j'ai eu ces lettres de Vigo, je me suis dit non, je ne peux pas faire marche arrière. Quoi. Il voulait faire un livre, j'ai les lettres. On ne peut pas, c'est pas possible, tant pis, là, je le goût. Et voilà, c'est comme ça. Mais il avait ce projet. Ouais. Il avait ce projet. Est-ce que ces lettres en question pourraient être publiées ? Est-ce qu'elles pourraient être publiées ? Elles pourraient, bien sûr, tout est possible. Il y a un projet. Mais il n'y a pas de projet. Et puis je ne pense pas que ça serait très intéressant parce qu'elles n'ont pas de grande qualité littéraire. Donc ça donne plein de renseignements. Donc c'est utile de les synthétiser, de faire un livre. Mais en tant que telles, elles n'ont pas une valeur littéraire. Non. Du coup, je pense que ce ne serait pas intéressant. À un moment donné, il s'associe dans une imprimerie avec Eugénie Rirocha. Oui, absolument. C'est elle qui finançait des livres, non ? Alors, elle a financé beaucoup de choses, cette femme, qui était de Nîmes, hein, d'ailleurs. Elle a financé la rue du Chevalier de la Barre où se fabriquait le journal L'Anarchie. Donc, c'est elle qui payait le loyer. Et c'est quand elle cesse de le payer pour investir dans l'Espérance, elle s'appelait l'Espérance, hein, cette imprimerie, où travaille à ce moment-là Namaé, et le fils de Génie, qui était Jacques Long. Jacques Long est très bizarre, parce qu'il a été au Camelot du Roi, et il a été à l'Anarchie. Et elle a toujours subventionné son fils. Elle était un peu dans les milieux royalistes, elle, avec la duchesse d'Uzès, qui était une femme aussi un peu ambiguë, qui avait voulu adopter Sidonie Vaillant, la fille de l'anarchiste Vaillant. Donc, elle, chaque fois que son fils Jacques Long était quelque part, elle finançait. Et quand Jacques Long a été à l'imprimerie L'Espérance, avec les anciens de l'anarchie qui ont rejoint la voie communiste libertaire, ben elle a financé l'imprimerie. Et Almereda était dans ce comité de l'imprimerie avec Anna Maé. Ouais. Une question sur cette rencontre un peu contre nature, improbable avec le Camelot, etc. Est-ce qu'il n'y a pas dans un antécédent avec le rapprochement de Sorel, Georges Sorel, avec les cercles Proudhon, on sait que oui, il y a ça. Ils se sont rencontrés et Sorel était lui-même assez proche de Lestal. Il avait fréquenté la librairie de Lestal et l'école de Lestal, et il y a peut-être des fois des trucs individuels, des fils individuels. Mais en fait, moi je dirais que non. Je ne parle pas d'idéologie. Parce qu'en fait, Sorel, il n'intéresse pas du tout les syndicalistes, qui le méprisent à juste titre, profondément, comme un intellectuel qui se mêle de leurs affaires et qui est. Qui joue un peu sur tous les tableaux. Il est complètement méprisé, ça ne l'intéresse pas, on ne lit pas ses ouvrages. Donc, Pelloutier n'était pas. Bernard Pelloutier, il n'y avait pas de lien. Il y a eu un peu de lien, mais la base, vraiment. Moi, je vois, ils en parlent mal, ils l'ignorent royalement. Donc là, ce qui se passe, c'est pas par les idées, justement, c'est vraiment des jeunes garçons qui ont un peu le même mode de vie, qui ont se, enfin, ils n'ont pas le même mode de vie parce que les uns viennent, les Canadiens viennent tous de la bourgeoisie, hein, sont nés avec des petites cuillères en argent dans la bouche et on fait des études, mais ils ont un goût pour la violence, l'action secrète, la détestation de l'ordre établi, etc. Et c'est là-dessus qu'ils se retrouvent, même s'ils viennent de mondes différents. Mais alors, un truc, c'est que quand les Camelots entrent en prison, ils ont une représentation des anarchistes syndicalistes, un peu comme de brutes, frustres, enfin, de gens inférieurs à eux intellectuellement. Et il y a des tas de lettres où ils sont ébahis d'admiration en disant « mais c'est incroyable, ils ont quitté l'école à 12 ans, ils en savent plus que nous ». Ils sont, il y a vraiment des témoignages là-dessus complètement... Ils découvrent en fait qu'on peut ne pas avoir été à l'école, ne pas sortir de la bourgeoisie et être extrêmement érudit et avoir assez de distinction, etc. Et, mais ouais, je pense que c'est pas sur le même plan. Est-ce qu'il y a un précédent, là pour le coup, de terrain d'occupation, qui est pendant l'affaire Dreyfus, ce qui a été décrit par Eric Fournier dans Le coucher de la Villette, où il raconte que. Autour de Sébastien Faure, il y a des groupes anarchistes qui vont faire le coup de poing contre le boucher de la Villette, les groupes antisémites, etc. Donc il y a un, là, il y a un. Oui, mais donc ils font le coup de poing. Oui, oui, non, ils font le coup de poing, ce que je veux dire. Oui, et ça a été, ben, dans ce qu'Éric raconte, et qu'on retrouve dans les rapports publics, il y a un vrai. Au moment de l'affaire Dreyfus, plein de très très jeunes, dont Eugène, Merle d'ailleurs, vont se lancer dans l'action, mais par goût, effectivement, de la violence. Et eux, ils vont au-delà, ils vont casser des églises, etc., faire des coups de poing. C'est ça qui les intéresse, et ils rentrent dans l'anarchie par ce biais. Et justement, le jeune homme qui doit vous intéresser, puisque c'est un petit Marseillais, plâtrier, il explique comment il monte jusqu'à Arles, à pied, pour faire le coup de poing contre... les anti-Dreyfusards, et il a 14 ans, 15 ans. Il est très, très, très jeune. Et après l'affaire Dreyfus, il n'est plus le même. Il part en Suisse sur le Trimard, il change complètement de vie, et puis il atterrit à Paris, où il va devenir, en plus, après, il va être comme Miguel, mais sauf que lui, il ne va pas mourir si jeune, il va devenir un patron de presse à la Balzac, quoi, vraiment parti de rien, devenant un grand patron de presse. Ouais. Mais en effet, ça a été un creuset, ça. Et quand Miguel arrive à Paris, bah, il va rejoindre ce milieu tumultueux du dreyfusisme. Parce qu'il y a un gars aussi, Victor Méry, qui témoigne aussi dans un de ses livres, et ça donc j'ai aucune sympathie pour les royalistes. Quand je lisais ça, c'était bizarre, moi qui ne suis pas parisien. C'est qu'il expliquait qu'ils allaient dans des cafés, les anarchistes, ils se regroupaient eux au fond, et ils traversaient toute une bande de royalistes qui étaient eux dehors, et ils se connaissaient, et ils se passaient à côté, il se passait rien, ils allaient... Mais il dit bien que c'est dans un café que ça se passe, c'est le café du croissant. C'est-à-dire, là où il y a toutes les imprimantes. Partout ailleurs, ils se fritaient, mais le café du croissant, personne ne levait la main sur personne. C'est là que Jaurès va être cependant assassiné. Mais il y avait un... Voilà. C'est un espace, de paix, ouais, entre tous. Il y a même le Valais qui aussi a une brasserie avant la Commune, où tous les opposants, quelle soit leur couleur, à l'Empire, y compris les royalistes, se retrouvent... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais pas si c'est le quartier Madrid ou quoi, de Madrid, mais dans le quartier latin, je crois, et où voilà, ça se confronte. Mais il y a une espèce de. Dans cette brasserie-là, il y a une espèce de paix des braves, parce que tout ce qui les unit, c'est la détestation de Napoléon III. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et là, et puis, c'est un milieu intellectuel aussi, un peu littéraire. Un peu... Ah oui, oui, oui. C'est assez curieux. Et là, au Café du Croissant, c'est parce que c'est là qu'on allait donner les copies qu'on corrigeait les dernières épreuves et il fallait que tout se passe bien, quoi. Ils allaient quand même, en gros, dans les mêmes imprimeries, l'imprimerie d'Angon, par exemple, qui était la plus grande de Paris. Et c'est pour ça que là, il y avait... C'est Liabeuf qui vous a fait venir à... En partie, oui, il y a Boeuf et d'autres, la grève de Draveil, c'est-à-dire chaque fois que je travaillais sur un événement, aussi bien pour le goût de l'émeute que pour le temps des révoltes, ben je rencontrais Miguel Almerena, donc j'ai fini par être intriguée. Après, je dois dire que sa beauté a joué aussi. Enfin, j'étais. Non, mais c'est vrai. Je ne peux pas le dire. Je sais qu'aujourd'hui, c'est mal vu de parler de choses comme ça. Mais Yael est très beau. Est-ce que vous vous êtes déplacé dans les Pyrénées-Orientales aux archives et par Perpignan? Oui, alors, moi, j'ai été aux archives de Sète pour en savoir beaucoup sur la famille Aubès qui m'intriguait. À Perpignan, j'ai eu en ligne l'état civil. Ah, oui. Cela dit, il y a un truc, je ne vous en ai pas parlé, bon, mais qui m'intrigue dans l'ascendance d'Almerena. Vous avez vu qu'il est assez typé physiquement, que la photo où il a 19 ans, il a même les cheveux quasiment crépus. Et il se trouve que Hervé l'appelait, l'avait surnommé le nègre, bon, avec toute la lourdeur d'Hervé, bon, il avait surnommé le nègre. Et Almerena en parle dans un almanach de la guerre sociale où il dit oui, voilà, il m'assure, il adore donner des sobriquets, pas toujours bien trouvés aux gens. Ben, moi, c'est le nègre. Depuis qu'il a découvert dans mon arbre généalogique un sceau toussaint l'ouverture. Alors, ça, je me suis intéressée du coup aux officiers généraux noirs haïtiens de l'armée napoléonienne. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs généraux. Des révoltés d'Haïti que Napoléon a fait généraux dans son armée. Et il y en a un, en effet, qui s'appelle Jean-Baptiste, qui est le prénom, un des prénoms de Miguel, et qui est le prénom de son grand-père. Jean-Baptiste, mais j'ai oublié, mais j'ai pris des notes, hein, j'ai ça dans un coin de ma tête, parce que c'est un homme très intéressant, le fameux général Jean-Baptiste qui était haïtien. Il a été envoyé mater les Espagnols à un moment qui se révoltaient contre l'armée de Napoléon. Et il a refusé de tirer sur les Espagnols en disant qu'il ne tirerait jamais sur un peuple qui se révolte contre une oppression. Et Napoléon l'a fait enfermer. Alors il a été à Rochefort, puis dans un fort enfin, qui est dans l'océan Atlantique. Et il a vécu un certain nombre d'années, là, et il est mort. Et je me suis dit, en traversant les Pyrénées, il a pu, en effet, faire un enfant, qui sait, soit du côté paternel, ça m'étonne un peu que des paysans de Cerdagne, très quand même prospères, très catholiques, aient laissé une de leurs filles batifolées avec un général ancien, mais bon, on ne sait jamais, hein. Mais ça m'étonnerait. Et j'aurais plutôt vu ça dans la famille maternelle, où il y a, parce que ce Jean-Baptiste était perruquier à Haïti. Et il a été esclave, il a été perruquier, il est devenu général. Il s'appelle Jean-Baptiste. Le grand-père de l'arrière-grand-père de Miguel est perruquier. Alors, c'est à creuser. De toute façon, ce serait une ascendance un peu lointaine, mais qui pourrait expliquer son type physique, comme Colette, dont l'arrière-grand-père était haïtien. Et qui... La Fargue Oui, alors. Oui, mais en La Fargue, est-ce qu'il a vraiment une origine noire? Parce que créole, on disait créole pour les colons. Non, puis voilà. C'est ce que son beau-père disait. Oui, mais enfin, Marx, c'est pareil, il a tendance à être un peu bronzé des créoles, mais. Je sais pas. Mais en tout cas, ça se voit pour Alexandre Dumas, on le voit bien, mais lui c'est proche, hein, puisque c'est son grand-père. Mais Colette, c'est moins connu. Or, elle a ses beaux cheveux très très frisés qui lui viennent de cet arrière-grand-père. Elle en était fière d'ailleurs et elle en parle dans plusieurs textes. Donc ça, je sais pas, pour Almerena, c'est quelque chose peut-être à creuser. De toute façon, elle m'a donné envie d'en connaître plus sur ce général. Qui est quand même. Parce que c'est pas très connu, ça, on connaît tous Toussaint d'ouverture, mais il y a eu beaucoup de sous Toussaint d'ouverture. Alors moi, je sais pas si la phrase d'Almerena, c'est ironique, parce que Hervé devait lui dire oh là là, mais toi, tu dois bien avoir du sang noir quelque part. Tu sais, et comme il était prof d'histoire, agrégé d'histoire, il connaissait et passionné par l'histoire de la Révolution et de l'Empire. Donc il a pu lui dire pour rigoler, ah ben c'est le général machin qui a semé ses petites graines entre l'Argent et les Pyrénées, du coup Almerena dit ça, ou est-ce qu'il y a du vrai là-dedans? J'en sais rien, mais récemment je viens de rencontrer, c'est toujours après avoir écrit un livre qu'on rencontre. Ben, à une présentation de mon livre, j'ai eu la surprise de voir une descendante de la famille maternelle et qui m'a dit des choses ben, que du coup j'ai pas pu dire, c'est que les grands-parents maternels de Miguel en pleine guerre sont venus s'installer à Paris et il les a installés dans le petit pavillon de la rue Orfila. Et donc je parle à un moment de ce pavillon et la police est mal informée parce qu'elle dit ben voilà, il a loué un pavillon, il habite même pas dedans, pour expliquer que finalement c'était un douceur qui faisait n'importe quoi, mais en fait il avait mis ses grands-parents dedans. Et j'ai pas pu le dire, c'est quand même une information intéressante. Mais en tout cas, elle connaît des choses et elle m'a dit qu'elle n'avait jamais entendu parler de ça, de cette histoire de. Bon, mais... Et alors, quand personne. On peut continuer avec un. Bon, on n'a pas encore rien sauré des cacahuètes, mais ceci dit, on remercie Anne parce que ça a été une histoire à rallonge pour te faire venir. Donc, on est ravis que tu sois là cette fois.